tout ce qu'il dit n'écoute pas. J'ai un bec, j'ai un bec, claqué. C'est le stress, c'est le virus qui t'infecte. Pam pam pam pam pam. Ok, c'est Sefio Bolotova pour l'émission Keto Érudit en live de Montréal. Si, si, si, on est sous. J'imite, c'est ça la vie. Encore une fois de plus, on prend d'assaut vos appareils. Les appareils de CISM jusqu'au cabaret. Peu importe la station, tu peux pas terminer l'émission sans rémission dans une forte prestation. Dayen Zou apporte la préparation. Entrevue, musique, on continue sans séparation. Déclaration, le show le plus monde en ville arrive avec un soin contagieux, le monde en veut. C'est Ghetto Érudit. Yes, yes, bonsoir tout le monde. Bienvenue à une autre édition de votre émission préférée, Ghetto Érudit. Ce soir, on est en équipe formation réduite. C'est B-Brain et Da qui sont au contrôle du micro et de la console pour vous ce soir. On a une grosse émission, on a encore des invités de marque qui seront dans la place à être. Deux vétérans de la scène locale. Je parle ici de Sa Majesté l'Intrus et Frenchy Blanco qui vient tout juste de sortir son album Galactique. Donc un peu plus tard dans l'émission, les gars seront présents pour nous parler de leurs projets respectifs. Puis, comme d'habitude, je vous invite à aller réécouter l'émission de la semaine dernière via CISM893.ca parce qu'on recevait deux artistes déchaînés avec quelques invités. On avait Wong Sifu et Jeune Chili Chill dans la place à être. Puis, écoute, c'était mong, ça. Ils sont venus parler, en fait, de leur battle qui va avoir lieu prochainement à la prochaine édition des Word Up Battles, oui, le 18 mars. Et puis, ben on sait jamais, ce soir, il y a tout le temps des surprises à Ghetto Érudit. C'est peut-être possible que certains autres participants de cette édition vont venir répliquer. Bref, on réserve la surprise aux auditeurs. J'invite les gens aussi à aller lire le résumé de l'émission parce que maintenant, à chaque émission, on vous donne un résumé par écrit fait par Kaimani, notre pote Jaime. Allez voir ça sur ghettoérudit.com. Donc aussi, n'oubliez pas maintenant Ghetto Érudit est la radio officielle d'HHQC.com. Yeah. Puis parlant de Wong Sifu et Jeune Chili Chill, Wong Sifu a tenu ses promesses. Il a sorti son vidéo Call Out à Freddie Grossum dans les jours qui ont suivi. Gros vidéo, allez voir ça, c'est au Word Up, trait d'union battle.com. On peut dire que c'est vraiment mong comme vidéo. On va pas briser le punch, mais on laisse les gens. Style. On laisse les gens aller voir ça dès qu'ils ont la chance. Sinon, bon, cette semaine, comme à l'habitude, on débute avec des exclusivités américaines. Puis j'ai des gros morceaux pour vous ce soir. Tout d'abord, un album qu'on attendait quand même assez impatiemment. Le nouveau Raekwon, Shaolin vs. Wu-Tang. Donc, on a ça pour vous ce soir. Et bon, ça va de soi qu'on devait présenter le morceau sur lequel on retrouve Nas, Rich and Black. C'est... certains diront que c'est un peu comme Verbal Intercourse Part 2. D'autres diront que c'est plus Let My Nigga Lives Part 2. Bref, c'est un mélange des deux. C'est que du spitting 100% hardcore, pas de hook, rien. C'est du raw shit. Ensuite, on a une formation montréalaise, OG Hindu Kush, le groupe dans lequel on retrouve Low Pesci ainsi que Osa. Donc, leur album In 3D qui est disponible depuis la semaine dernière sur le site web de Low Pesci, stepyourlifegameup.com. Donc, on va écouter ce soir la pièce sur laquelle on retrouve un MC très, très, très fort, Royce the 5'9", donc la pièce Hell's Kitchen. Ensuite, un groupe qui avait fait beaucoup de bruit il y a quelques années avec leur succès, Bang Bang, donc c'est The Knox. Ils reviennent en studio pour leur prochain album qui est encore sans titre, mais ils ont décidé de gâter les auditeurs avec un premier leak, donc la pièce She's So Up. Et puis on remarquera toujours leur formule influencée fortement par le rock, donc c'est vraiment dope. Okay. Ensuite, il y a aussi Cunnilingus qui revient avec un nouvel album, Wannerology. Donc c'est la pièce Hard As They Come avec la participation de Freddie Gibbs. Et on va clore le premier bloc avec Lupe Fiasco. Donc on sait que son album paraît prochainement également, Lasers. Donc j'ai, disons, on pourrait dire le deuxième single de l'album, Words I Never Said, featuring Skylar Grey, qui est, on dirait, la nouvelle go-to girl pour avoir un hit dans le mainstream. Donc ceux qui connaissent le nom sauront qu'on la retrouve sur la plus récente pièce de Dr. Dre, I Need a Doctor, et puis bon... Je crois qu'on va, on va souvent la j'aime voir. Bien sa voix, j'aime bien sa voix. Ouais, elle chante super bien. Ouais. C'est elle, en fait, qui avait écrit aussi le hit de Rihanna l'année dernière avec Eminem. OK. Donc, c'est quand même une artiste à surveiller pour 2011. Donc, sans plus tarder, on vous donne ce Mongness que vous attendez tant sur les ondes de CISM, la marche. Boom! Power you have when God sends prophets and messengers. They don't care nothing about your power. Because yeah. They come from the power. Nigga, I'm a wonder. Your best success is my worst blunder. Feds tap the number. Jerry Jacqueline on asses could appreciate we to alleviate the pain. Eddie Kane, Richard Pryor, Pinky Ring. Watch your conduct, nigga. Throw parties for my niggas that's living, you guessed it. Models, y'all keep them if they anorexic. Love them but can't trust them. Hate them but won't bust them. Caking and saving, spinning, wasting is like a custom. Tats are hieroglyphics, lipstick on the collar. I got more to lose than you do, but I'm a rider. When did the rules change? Y'all living trendy on pennies, meeting deadlines with ease, no gain. You fire, I'm butane, Gator Tim's ostrich belts. These be the times that I surprise myself. My niggas looking like black crows at packed shows. The Don voice stays pristine like I'm still 17. I'm rich, black, African, rocking a golden Mac. Shirl and leather, Gucci leggings on my back. Willy Bostic, hoodlum in the trench. Rinse these niggas, 86 gazelles, dicing near the fence. Mike Tyson, disciple, trifle when my pen is a rifle. 16 ways to shoot you through your Chrysler Duke. Exhaling with niggas, the jails argue. Bring the best niggas to the table, I sit four of my whales on you. Custom wooded speakers, rock leashes. Run from polices, dump on creatures. Holidays with preachers, stainless steel watches. Ostrich turtlenecks, here's the deal. If we can't come in, they can't have a feel. Bones and Cisco murder instrumentals. Cayenne horse rap. How many horses live official? I run with generals who flash Uzis in interviews. My shit is deep, you flop swimming. Verse through. Two gotta be all murder, just like the first verse. Tim's yellow like the hair on a Malibu surfer. Yellow like my Harry Winston glistening on B. Yellow like New York City piston concrete. Who voted toasting in the wind? Las Vegas Otis, what you know? Leave it right here, we goats in the Lotus. Put a package on your head, be promoted. Keys in effect, paying these dumb fucking D's off in donuts. I hate to see you acting like a slave. To get an advance here, an advance there. Because somebody else controls your destiny. Hey yo, I'm rich. Black umbrella, calico Captain West Craven with a blade in the black. I'm hood ornaments, junkies win awards in my tournaments. My shit is listed like a performance pitch. You know we order hits, planes flying, niggas is sure to get ya. Whether in Costa Rica, Lisa, she's sure to twist ya. Eating shallow mane with chopsticks, Glocks with aim, watermelon chips. Pop some pain for all the riches. Niggas forcing out they feelings, kid. Whether in hallways or the boats, now feelings, kid. Out in Alaska in the Astins, remember my passion, hungry wolf who never eaten his castles. Bolivian connects, restless, yeah. Chef and ambidextrous, quick to back you in like the Lexus shit. Hunted by the FBI, we gracious. More demonstrations, shit is tough. Milk the carnation. It was the Shaolin. A Shaolin. Never. Never. The poison your master drank is familiar to the Shaolin monks. If you don't talk, you're gonna die. My lord, enough. Oh, why is that? There's no point to it. He's just like his master. He's not gonna tell you. Fixing the fish in the curry. Land for the slaughter, seasoned in turmeric powder. Jealous queen telling story of murder and power. Tell the district attorney, lived in a concern. I was in Hell's Kitchen fixing the fish in the curry. Land for the slaughter, seasoned in turmeric powder. Jealous queen telling story of murder and power. Who else you know this Rico Suave, our Rico Lord? It's cause we don't live, doggy, now we go off. Keep it dock like the eastern block, feasting off the flesh and the pheromones like high honey pheromones. Watch the race to the apron and maple dessert and let a skull game shine like Damien Hirst. Shorty knows that I don't suffer fools. The rules taught me to buck them and do unto others as others have done to you. So if your best friends run with the beast like X-Men, expect them to end up slumped in the West End. What you gonna do when you know who? Robot, bow tie, brother moves on suit. We army of God's children, zombies are hearts missing. Got Luther and John with us running credit card scams. Eyes red, no retinal scan. We get cake, get it straight, then invest it in land. Tell the district attorney, this didn't concern me. I was in Hell's Kitchen fixing the fish in the curry. Lamb for the slaughter, seasoned in turmeric powder. Jealous queen telling story of murder and power. Tell the district attorney, this didn't concern me. I was in Hell's Kitchen fixing the fish in the curry. Lamb for the slaughter, seasoned in turmeric powder. Jealous queen telling story of murder and power. I feel like God behind these bars, every sentence is holy. Man, even my pedestal's on a level of blow me. So you getting to know me, you should step to me slowly and know that my only interest in you is to collect what you owe me. I ain't sweating your shorty, but if that bitch is fine, a single line, I stick it to her back like a kick me sign. On a quest like McCody for incredible whole green, I said get me a whole P, but it better be OG. Go fetch me some rollies, your connect doesn't know me. I bet he only roll a bump like Detective McNulty. Your baby mama Adriana get dumped with a hog. If she's singing like Kanye and they building a strong case, she a number one bitch and this isn't a dog race. Pull strings for the boss like Silvio Dante while I grin with the mob face and say that bitch deserved it. Mr. Perfect crack a OJ smile when I get the verdict. Tell the district attorney, this didn't concern me. I was in Hell's Kitchen fixing the fish in the curry. Lamb for the slaughter, seasoned in turmeric powder. Jealous queen telling story of murder and power. Tell the district attorney, this didn't concern me. I was in Hell's Kitchen fixing the fish in the curry. Lamb for the slaughter, seasoned in turmeric powder. Jealous queen telling story of murder and power. Live from the psych ward, riding with a dyke whore. Dime she quiet cause she shy than the vice lord. Crimes committed is my life story. I should be signed to the courtroom. Why the district attorney fight for me? Nobody betting against it cause I got deadly intentions. Ready to vent and I only need the medic's attention. I'm more morbid than going door to door to record horror. I put you in your trunk up under your spoiler. I keep pushing, I beat Bush when I speak more. Bullshit comes up out of me, then the freak gushing. I keep looking for guns like police under my seat cushion. Out to complete, just with the weak wooden. I'm a shit starter, so tell your bitch I'm a 10 on the dick chart. Get smart cause I hit harder. I'm a sick martyr, you trying to massage the clit. I'm trying to stick my arm in a rim like Vince Carter. Lamb for the slaughter, seasoned in turmeric powder. Jealous queen telling story of murder and power. Tell the district attorney, this didn't concern me. I was in Hell's Kitchen fixing the fish in the curry. Lamb for the slaughter, seasoned in turmeric powder. Jealous queen telling story of murder and power. Said fuck it. Now have you ever met a girl, who turned your world into a playground? She does her dance at devil's tools. Show me what you do. And strike it dead before you lay down. Now what you say? Now the time is right now. What's the answer to this cancer? Okay. The nail is in the coffin and the darling has the hammer. Okay. On repeat like a seance. Seance, how twisted. The season of the witching, boy, you better get the picture cause ain't no time to be listening to blues. Cause she never had a clue what the fuck she put you through. Gotta keep your mind on your money and your honey on your side. That girl is something vicious, she gon' eat your ass alive. Yeah. She's a sexy city slicker, on like liquor in the morning. She will hit you with that nagging before dawning. You still yawn. Better get that sleep up out your eyes. You know you in for a surprise. Men and women that she size, she gon' creep up on the side. Now the time is right now. What's the method to this madness? Such a devil in high heels will give you thrills of fucking savage. A sneaky little bristle, have you sizzle like a skillet. In your heart, mind, and body, in your pockets, you gon' feel it. Cause ain't no time to be listening to blue. Cause you never had a clue what the fuck she put you through. Gotta keep your mind on your money and your honey on the side. That girl is something vicious, she gon' eat your ass alive. Don't get killed. higher up, it makes it hard to know who to trust. People scared to test me since the 80s. Anybody can get it, man, woman, or baby. Shots do not discriminate, impossible to eliminate. I disseminate, you disintegrate. I can come off as a prick, you might get stuck with me. I'll probably steal your girl if you try and fuck with me. Cause next to me, you're looking quite frail. And if you snitch, you be counting your days in white sails. Needlessly in CB4, ask the CDC, no CD4s. Cause the truth is I'm on America's dick. Uncle Sam fucks the poor and it's making them sick. Now they life's in a tube, a downward spiral. Give a new meaning to going viral, I'm hard as they come. A weak emotion, that's why I despise it. We scared of almost everything, afraid to even tell the truth. So scared of what you think of me, I'm scared of even telling you. Sometimes I'm like the only person I feel safe to tell it to. I'm locked inside a cell in me, I know that there's a gel in you. Consider this shit belling out, so take a breath and hell a few. My screams is finally getting free, my thoughts is finally yelling down. We'll be right back. Eagle et CSM présentent du 9 au 13 mars la 7e édition du festival Under the Snow. Ne manquez pas le 9 mars My Dad vs. Yours à la Casa del Popolo, le 10 Siskiyou à la Sala Rossa, le 11 le groupe belge My Little Cheap Dictaphone et Surface of Atlantic à la Sala Rossa et le retour sur scène de Sia Spheric au Divan Orange, le 13 Nimbic System au Divan Orange et plusieurs autres concerts. Billets en vente à l'oblique chez Atom Heart et Cheap Thrills. Pour plus d'informations, visitez le underthesnow.ca. Du 16 au 26 mars, le jazz sera sur toutes les lèvres. Pour sa 11e édition, Jazz en rafale célèbre le jazz au féminin. 24 concerts à l'Astral et au Upstairs et une centaine d'artistes, dont Jerry Allen, Elisabeth Contomanu, Terry Lynn Carrington, Linda O, Shimrit Shoshan, Jane Bonnet, Géraldine Laurent, Julie Lamontagne, Min Ranger et bien plus. Jazz en rafale, c'est aussi le concours de la relève Jupiter Van Doren et des classes de maîtres avec de grands artistes internationaux. Toutes les informations sur jazzenrafale.com. Un événement présenté par Télé-Québec, l'ULUB et Le Devoir. Ne manquez pas Isis, la star du défunt duo électro Thunder Ice, en spectacle au Club Lambie le samedi 12 mars. Avec en première partie The Pink Noise. Les portes ouvrent à 21h, le spectacle débute à 22h. Billets disponibles sur popmontréal.com et au Phonopolis, chez Atom Heart et à l'Oublique. Isis, le 12 mars au Club Lambie. Une présentation de Pop Montréal, Bon Sound, CISM. Lundi au vendredi à 18h, Isabelle, Guillaume, Catherine et Laurence, Catherine et Isaève vous donnent rendez-vous pour une heure de palmarès sur les ondes de CISM 89.3 FM. Et écoutez le premier palmarès de la semaine, le Char de Marge avec Noémie, tous les dimanches de 18h à 20h. Du dimanche au vendredi, ne manquez pas les émissions palmarès de CISM. C'est ISM. Yeah. Yeah. Bon, on aime ça. C'est là que ça se passe. Et voilà, confirmé. Élaboré dans ses feuilles. Marie-Laure, Marie-Laure. C'est ça. C'est sur des ondes de voyons donc. Ah oui, la radio. Qui s'inspire des dieux grecs, qui fait sourire beaucoup, beaucoup. Selon moi, la meilleure. C'est ISM, la marge. Plein de bijoux là-dessus. Alors, ça va être du gros stock et de la programmation. Indéniablement infaillible. Le show le plus mort en ville se poursuit. Alors on monte le son, ça va être mental. Bonne écoute. Let's go. Les Breastfeeders sont de retour avec leur troisième album, Dans la gueule des jours, en magasin le 8 mars sur Blow the Fuse Records. Ne manquez pas le spectacle lancement qui aura lieu le 10 mars à La Tulipe. Les portes ouvrent à 20h, le spectacle débute à 21h. Billets disponibles sur le réseau admission et à la billetterie de La Tulipe. Téléchargez gratuitement 400 000, le premier extrait sur lesbreastfeeders.ca. Une présentation de Bon Sound, Blow the Fuse, Boréal et CISM. Montréal, sa grande région. Je vous invite toutes deux chaque lundi matin de 7h à 9h à écouter mon émission à moi, complètement réalisée par moi, Martin Roussy, et j'ai nommé Le Manchot. Humour, humeur, opinion, sortie de disque, revue de presse, météo-yo, imitation de Richard Martineau et le meilleur de la meilleure musique sont au rendez-vous sur les ondes de CISM 89.3 FM. Oublie pas, là, marque ça sur un petit papier au pire. Lundi matin, 7 à 9, CISM, Le Manchot. Écoutez CISM 89,3 FM. De retour à l'émission Gâteau érudit, on vient d'écouter notre premier bloc de nouveautés US. Sérieux, il y avait des gros tracks là-dessus. Ah, définitivement. Nouveau Raekwon avec Nas. Je pense qu'il faut pas sous-estimer ces deux protagonistes-là. Puis bon, on a nos premiers invités ce soir dans la place à être. La semaine dernière, comme vous savez, on recevait Wong Sifu et Jeune Chili Chill pour parler des Word Up Battles 7e édition qui auront lieu le 18 mars prochain au Bain Mathieu. Ce soir, on a les adversaires qui viennent répondre. Yeah! On a fait des gros sommes et les hommes! What's up les gars, ça va? Yeah, pas peur. Ouais, Word Up 7e édition, yeah. Ça représente quoi comme préparation pour vous? Je suis pas en préparation. Je pense que toutes les battles, techniquement, je pense à ma même préparation. T'sais, moi, techniquement, je vais pour le kill. Je veux dire, t'écris, tu fais un peu de recherche sur l'adversaire, tu y vas après. Je n'irai pas jusqu'à dire que je vais parler de leur mère comme mon adversaire l'a fait. S'il veut s'amuser avec ça, il ira, mais moi, j'ai plus dans l'air à dire sur lui que d'autres choses. Je veux dire, je suis pas ici pour non plus faire du trash talk sur mes adversaires. Je veux dire, tu peux aimer du jeune Chili Chill. Je veux dire, si tu travailles dans un cirque, aucun problème. Je veux dire, moi, je verrais ça facile entre deux tunes d'Allegria. Je trouve qu'on sous-estime beaucoup en tant que chanteur pop parce que c'est vraiment... c'est un bon MC, man, il est solide. T'sais, moi-même, quand je feel down, je veux dire, je me mets un bon swaggerlicious. J'écoute ça, puis c'est comme une pub de Vision Mondiale. Je veux dire, ça te montre qu'il y a du monde pire que toi dans la vie. Todd, t'es quand même nouveau dans les World Up. À date, t'as un battle, mais t'es quand même un des préférés du public. Est-ce que ça t'ajoute une pression supplémentaire, ça? Ben, peut-être bien, man. Ben, la plupart des gens, je pense qu'ils veulent toujours, ils me disent, tu sortiras des lines comme t'avais fait à Excel. Les gens s'attendent toujours à que tu fasses la même performance que t'as faite le premier coup. T'sais, mais veux pas, tu vas essayer de te diversifier, tu veux pas non plus name les mêmes shit. Puis veux pas, je pense que le but, c'est de s'améliorer de battle en battle. Ouais. Soit d'être moins générique ou de préparer des rebattles ou toujours s'améliorer là-dedans. Mais c'est sûr que veux pas, les gens ont une grande attente. T'sais, c'est comme quand t'aimes le premier des films, le deuxième te semble toujours moins bon parce que t'as kiffé le premier. Fait que techniquement, oui, ça rajoute un poids, mais je suis pas stressé pour autant. Et pour ce qui est de John Chilichel, est-ce que c'était ton premier choix comme adversaire? Non, du tout. C'est Filigrane qui est arrivé avec ça. Comme ben moi, contexte ça, moi, ça faisait longtemps que je voulais faire des battles. J'en parlais à Philly. On n'avait pas vraiment d'adversaire. Ça faisait longtemps que j'avais quitté le milieu, veux pas. T'sais, j'ai toujours fait des battles, mais j'étais plus underground. J'étais plus un gars de cypher, un gars de party où tu finis un show, il y a des mic open, j'embarque sur le stage, puis je kick ça. Je suis la vieille école. Mais fait que là, quand on m'avait trouvé Excel, j'avais embarqué. Je veux dire, je connaissais un peu le dude, je connaissais les vieilles histoires qu'il a comprises, tout ça. Mais Chili Chill, non, Philly, il est arrivé avec ça. Puis j'ai dit, ben, let's go. Je pense que Step Up contre Simi Sime. Ouais, clairement. Techniquement, moi, je dis que c'est pas à cause de Step Up que tu win un battle. Mais bon, regarde, s'il veut, je suis prêt. Puis s'il pense qu'il peut rivaliser, ben, je souhaite bonne chance. As-tu deux, trois tartes dans tes poches? Ah non, même pas, man, même pas. C'est comme il l'a dit, il a gagné juste à cause de ça. T'sais, fait que je lui donnerai pas cette chance-là. Puis toi, Freddy, t'affrontes le Wong Sifu. Traite-le pas le Wong, là. C'est raciste. Come on, hein? Ouais, j'affronte Wong Sifu. Wong Sifu, honnêtement, je le connaissais juste de nom puis de face. Ouais. Parce que, tu sais, ça ressemble tout. Non, Non, mais pour vrai, man, Wong Sifu, j'ai vu son call-out, fucking sick. Ouais, fucking ben sick. Pour les gens à la maison, ça se passe dans un dépanneur. Vous pouvez aller le voir sur Word Up. Dans un dépanneur que ça se passe, man. Tradunionbattles.com. Word up. Mais la fin avec Wong Sifu, c'est que, tu sais, je dis qu'ils se ressemblent tous, mais eux autres, ils trouvent qu'on se ressemble tous. Fait que, tu sais, genre, j'ai été dans son dépanneur, j'ai defeat toutes ces ninjas en avant, genre avec un hurricane kick de la mort puis un lever du genou en T'as feu. T'as récupéré genre. Ton frère ou... Ben c'est ça l'affaire, quand j'ai été le délivrer, Jean-Marie, c'était même pas mon frère, c'est juste un autre négro que j'avais jamais vu, lui pensait que c'était mon frère. Parce que, il s'est trompé, il est parti avec le mauvais négro, man, puis en tant que préparation, ben... Comme Brad Pitt, j'ai été au Tibet pendant les deux derniers mois, man. T'entraîner. Training like a motherfucker. Yeah. Hein, il est pas prêt, là. Ça va être son plus tough battle à vie, là. J'ai été checker ses vieux battles. Puis, ouais. Ah non, c'est vrai, il n'y en a pas de vieux battles. C'est ça, j'allais dire, genre, quel battle? En fait, il était supposé de battle dans le passé. Ouais, c'est ça. Cédric, ouais. Justement, tu sais, lui, il parlait du vieux singe, du jeune singe. Ouais, il dit que Cédric a choke, mais c'est tellement pas vrai. C'est lui qui a choke. Il a inventé des millions d'excuses, je sais pas. Puis là, il commence à dire, ah ouais, c'est Cédric qui a choke, puis tout. Non, c'est pas vrai. Détrompez-vous, les mecs et les dames. Yes. Détrompez-vous. Détrompez-vous, les mecs et les dames. C'est Wong Sifu qui racontait. C'est quoi, Shalik Mahid? Shalik Mahid, c'est mon boy, ça. C'est mon boy. Quand est-ce que tu débarques à Musique Plus, là? Lui ou moi? Lui? Toi, là. Ah, moi? Je sais pas, man, il va whoop mon ass. Puis sinon, au niveau de la carte de la soirée du 18 mars, quels sont les battles que vous attendez? que vous voulez voir, à part exception du vôtre? Ben moi, je pense que toutes les battles ont de quoi apporter. Il y a le 2-Minute Round, je pense, avec Sammy puis Maybe qui promet. Joe RCA, Snail Kid, c'est deux kids qui promettent beaucoup, qui ont vraiment des tight skills. Ballons, plus, fait que ça va vraiment être excellent. Puis t'as le battle international, première fois que ça se voit, World Up Battle. Ouais, on a Denis Espro qui descend en France pour les battles, Simi Sim. Ça devrait être de feu, techniquement. Il va rien comprendre. Hostie One aussi contre Bouya. Ouais, c'est ça, là. J'espère qu'on va travailler l'accent un peu. J'ai oublié Hostie One contre Bouya, ça va être fou. Ouais, ça c'est une querelle de famille, là. Je pense que personnellement, je trouve que la 7e édition, c'est une des plus belles cartes qu'on a eues à date, je pense. Donc, j'ai hâte de voir ça. Puis sinon, côté projet, vous travaillez ensemble quand même un peu? Ouais, on a quelques trucs. Justement, on aurait voulu avoir un exclusif ce soir, mais next week, t'auras un shit à jouer de nous deux, man. Moi, Picard, on sort un exclusif next week. Yes. Ça va être de la bombe! Hiroshima, Nagasaki, all that type of shit. Yes. Ça se retrouve sur un projet particulier? On est en train vraiment de planifier ça. Je veux dire, je pense qu'il y a bien de la restructuration avec 12 singes aussi qui est dans le décor. Donc, il y a bien de shit qui vont sortir dans pas long. Que pour l'instant, je veux dire, on keep Lalo, on travaille les trucs. Quand ça va sortir, inquiétez-vous pas, vous allez le savoir, vous allez l'entendre. Voilà. Puis si on veut inviter les gens à aller écouter ce que vous faites, est-ce que vous avez des sites web, des pages quelconques où on peut aller entendre vos trucs? Ben comme techniquement, on est en train de préparer le projet 12 singes, je mets ça sur pied, il y a des gros shit qui vont sortir là-dessus, mais techniquement, on recommence à écrire les shit, à faire les vidéos. On a John aussi qui travaille ses clips, fait qu'on a vraiment un gros projet. Pour l'instant, tout est en préparation, mais quand on n'a pas autant d'argent que Chili Chill, fait que ça va prendre du temps, tu sais. Justement, pour revenir à ça, est-ce que t'as un mot pour les fans ou j'aime Chili Chill lui-même? Ben là, de un, Chili Chill, as-tu des fans? Ça commence! Ben là, je pense que c'est first. Je veux dire, à part son crew, je pense pas. Peut-être ses parents. Mais je veux dire, non, man, j'ai rien à dire vraiment contre lui. Comme il a dit, man, ça va tout se dire le 18, je vais le dire en pleine face. Puis je pense qu'il va très bien entendre aussi ce que j'ai envie de dire. T'sais. Il est mieux d'être prêt, man. Tu as appris quelques lignes de chinois? Ben, premièrement, chinois, il est cambodgien. Cambodgien, ouais, je confirme. Ah ouais. Wong, c'est fou. Fait que j'ai pu s'être apprendre un peu. Chill, c'est qui cambodgien? Hein, Chili Chill? Chili Chill, lui, il est bouquin. Oh, yes! C'est pas des vraies personnes, ça? Bon, on sait pas encore, là, faut les catégoriser, ces gens-là. Non, mais Wong, c'est fou, man. Moi, sérieux, j'ai rien à lui dire right now, man. Fuck all that. Le 18 mars, soyez là, man. Early Mid-Cat, Jackie Chan contre Chris Tucker. Early Revenge. Le chinois, que le monde comprenne rien de ce qu'ils disent. Le petit black avec la voix aiguë qui raconte plein de conneries, man. Shit's gonna be the bomb, nigga! Yeah, that's it. I don't give a fuck! Soda, tu nous as préparé des pièces pour des pièces de gars, en fait? Ouais, on pourrait y aller avec un petit bloc musical juste avant de passer avec le protocole Ghetto Érudit qui consiste en démontrer une performance live des artistes. Donc, on a une pièce de Freddie Gruesome qu'on avait reçue. Je pense que c'est B-Brain qui m'avait donné ça. C'est pas sur la compilation à Dada Early Rush? Ouais, effectivement. C'est une de mes deux chansons que j'ai faites. Au moins, les deux sont bonnes, même. 130 livres de bras! La pièce Carré de sable et ensuite Bon Card. Malheureusement, tu m'as pris au dépourvu. J'avais pas de pièce directement de toi. Mais on a une pièce sur laquelle tu figures puis tu fais un bon verse avec ton boy Saint-Sou. Ouais, c'est sorti cette année. Ça. One Time for Your Mind, série de hors série. Fait qu'on écoute ça puis après on revient toujours au show le plus long, you know. Word up! Chuck to the James, the beat is fucking insane. Je suis au studio installé. That's what's up. Yo. What up? Check un petit vibe old school. Dès que le shit part, je deviens un monstre. Je te démontre qu'un exorciste vient à mon secours. Mais pour me rejoindre, lui, faudra plus de grass que old school. J'suis trop high, tous les jours, j'suis sous rap et doobie. J'fais un talk, j'te backpack, j'ai pas 20 fusils. Dans mon sac à dos, y'a qui pousse me. Beaucoup de ganja, c'est pour ton alarme. Puis des gonades en coupie. Dab et doobie, ceux qui vont dire que j'suis en beat, c'est qu'ils peuvent pas rapper comme ça. J'fais ce que j'veux, porte tes règles de jeu. J'veux pas m'adapter à la game, laisse la salle. Adapté à moi, car je vais jamais changer, surtout pas pour vous. Reste le même, reste moi-même, je laisse faire des shit. Laisse-moi faire mon thing, sur instrument où je suis libre. C'est fucking agréable, sans niaiser. Je me sens comme un kid dans son petit carré de sable. That's what's up, ma gueule, check les sortes, ma gueule. T'es pas trop down, t'es pas mon vibe. Sors ma gueule, sors ton track, c'est bon. Tu veux voir les pas, sans ton vibe, je veux dans mon carré de sable. That's what's up, ma gueule, yeah. That's what's up, ma gueule, yeah. That's what's up, sors ton track, c'est bon. battre. Parce qu'avant j'arrête, on verra venir la seconde venue de Jésus et tout pack. Je t'amène du jamais vu, qui pourrait rester du jamais vu. Tu m'as dit jamais plus, malheureusement je t'en amène plus. Épice, épice, c'est tout ce que tu fais. Car toutes mes pistes, épices sont tout ce que tu fais. Ce que je réponds à tous tes commentaires, c'est je veux du papier. Qu'est-ce que tu veux, je te fais hate, je fais dans le THC. Quand j'ai pas de crayon, je pogne une arme à feu et je la pointe. Sur ma tempe, puis je fais feu sur ma tête. Ça fait clac, ça éclate, mes pensées éclaboussent sur feuille de papier. Qu'est-ce que tu veux, je suis pas bien, je suis un petit peu détaché. Je suis toujours étourdi sur des tonnes de huge trees. À part le bol, ma seule drogue c'est la musique. Si t'en blanches, mais quand le beat est on, c'est là que je suis high. Je suis dans mon monde qui est dans son carré stable. En fait, j'aime que tu me détestes, ça me fait gicler dans mon caleçon. Oui. Ma présence te nuit comme Rick James dans ton salon, porte ton cache. Je me trouve ben drôle, fait que je continue. Même si pour toi c'est juste des flots, même gros mots sans contenu. Non. Mais y'a des potos qui volent autour de moi sans cesse. Quand je suis rap, c'est death, bitch, je suis con, c'est bon qu'on boule. Quand je t'avoue, je suis loin d'avoir le français de Molière. Mais chaque parole charme ta salope sans problème. Ouais. J'amène au bar, on pète, au moins 11 bières. Et t'es tourdi, excellent, je mets des roofies dans mon verre. Y'a pas plus vêche que moi, homie. Mais t'as tes propres problèmes. Pourquoi tu pointes du doigt quand tes mains sont sales aussi? Ah, t'aimes ton trash, tu veux parler, parle. J'ignore pas moi, je m'amuse librement dans mon carré sale. Moi pour m'arrêter, faut la Gestapo pis l'Esbola. Avec mes chansons, je reviens hanter le rap game. Pour me cote les femmes d'expérience comme si j'étais Francis Martin. J'ai tout fait pour que le party punk. Tu me suis. J'ai même invité Cardi Card sur le beat. On vient de la rive sud de Montréal, on distribue de la bombe légale. On est fat, mais à cause du web. Le business sur nos comptes épargne. Back to basic, type de son des 90. J'ai gardé le même style parce qu'à force de changer le rap, bien sick. J'ai encore plein de rhymes à cracher en show. Tu pourrais pas me battre même si j'avais le mic attaché dans le dos. Le style est sale, m'emmène. Tu filmes mes arabesques, devine qui se la ramène. Sur un beat de farfadet, comme d'hab, on suit le vibe. Un autre bon chunk sur le mic, one time for your mind. Thomas qui vise le top comme Obama. So back off parce que c'est cardinal. C'est dangereux à l'école, on n'a pas été un de là. On n'achète pas son auréole avec c'est un cardinal. C'est le retour du vrai hip-hop. Tu croyais qu'il était mort, là tu vois qu'il était pop. C'est cardinal. C'est comme d'hab, on suit le vibe. Un autre bon track sur le mic. One time for your mind. Je vais t'appeler Barbara. Quand que je rappe, ta baffe coule comme ton mascara. C'est une mascarade, pas fait pour les bitches de luxe. Fait que je te hate, t'es aussi fake qu'un match de lune. Mauvaise manie, call me Rami, raise money. Me laisse l'ami, moi je fous le mic en laisse la nuit. Détail chérie, je te bute en deux daiquiris. Tu sonnes cheesy, on créerait la vache qui rit. Oiseau de malheur, moi quand je rappe, c'est ben de valeur. Mais bitch, je te cloue le bec, je te transforme en maître valeur. Je fais pas de cadeau, vas-y homo, sauve ta peau. Quand tu renforces, je suis fort que la Gestapo. Y'a de la tension dans les airs, t'oublies quelque chose d'élémentaire. Ta seule chance d'avoir un flow, paye une pension alimentaire. Fait que laisse le mic pour les autres, t'es broke. Pogne une fouille dans, t'es comme une c'est front. C'est cardinal, c'est Thomas qui vise le top comme Obama. So back off parce que c'est cardinal. C'est dangereux à l'école, on n'a pas été un de ceux-là. On n'achète pas son auréole avec c'est un cardinal. C'est retour du vrai hip-hop. Tu croyais qu'il était mort, là tu vois qu'il était pop. C'est cardinal, c'est comme d'hab, on tue le vibe. Un autre bon track sur le mic. One time for your mind. C'est cardinal, c'est yo, c'était deux gros tracks de nos invités. Donc, on a toujours Freddy Grusson et Card dans la place à ouais. être. Word Up Battles, 7e édition, le 18 mars. Yes. On a tiré des pointes et des flèches vers Wong Sifu et Jeune Chili Chill. Je suis sûr que les gars écoutent l'émission en ce moment. Moi, je leur fais un shout-out. Shout-out Wong Sifu, Jeune Chili Chill. Wong Sifu, ton call-out, t'es fucking bad. C'est le meilleur call-out ever. Tu aussi, man. C'était réussi. Sur les gars, le protocole ici à l'émission, c'est simple. On met des beats puis vous partez en prestation live. OK. Mais je pense que c'est pas difficile pour vous. Tu sais, vous êtes des spitters naturels. Des spitters. Quand t'es à jeun, c'est toujours plus rough. Mais bon, on va y aller. Ouais, je suis d'accord avec ça. Donc, vous avez aujourd'hui un beat de DJ Khalil. Je pense que c'est mon go-to guy à cette heure pour faire freestyler le monde. Tiré du dernier album de Raekwon, c'est la pièce Rock'n'Roll. Donc, quand vous voulez, les gars. Yo, yeah! Monte le volume dans mes headphones. J'en ai mis aussi. Yeah, cut. Ok, on roule pas en une paloche, lance une intifada. Qu'est-ce t'entends, c'est ghetto érudit, c'est pas du Rudy Kaya. J'arrive au mic, puis quand je suis star, le gros ça se peut, je bégaye. J'ai pas les mots juste, mais mots juste que je kick pareil. Le gros donne-moi des news, quand j'suis avec mon Freddy Groose. Le gros, mais j'pongue le microphone, c'est sûr, t'es mieux de payer tes news. J'kick n'importe qui, c'est sûr, moi c'est le style. Quand j'arrive, mais t'es fragile, fuck up, you chili chill. Hey yo, parce que pendant que on se fout pis chili chill nous étudie, nous on est là, pis on chill la ghetto érudit. 18 mars, checkez bien le négro et démolir le Asian kid comme Jaden Smith. Karate kid, motherfucker, that's what's up. Yo, je dis à ta femme, yo bitch, smack mes nuts. J'adore la douleur, elle adore ma couleur, elle aime mes grosses babines. Yo, that's it, Freddy gruesome bitch, gruesome bitch. Word up, I'm MODOK, qui livre cette marchandise dans le street. Word up, yo, card, grab le mic. Pis après ça slap la wife. Ok yo, ça j'te kill, pas de problème même si t'essayes. Pis j'cute ton ass, même en live, man, à CISM. C'est sûr, j'te kill ton style, j'suis grand et tout petit. Pis j'cute ton ass, le bord de la rue, et voir même mon petit. J'ai rien à battre, pis kick de fille jusqu'à Queen Mary. Des fois j'pais gay, au fait que j'pais gay, mais j'ai pas de no mercy. C'est sûr j'te kill quand j'arrive, mec, j'suis BBC. J'te kick jusqu'au BC, j'fais une prise, bah y'a GSP. J'ai un gros pif, fait que je sens que tes homies sont mad. J'suis trop dope, tu saurais si t'étais toxicoman. J'ai besoin de bijoux ou de gros bolides pour flash. C'est ma tête qui shine comme si j'avais trop mis de pommade. Lorsque je te monte hors de ce monde, pour avoir mon coffre-fort, faut que tu me popes le melon ou que tu me décapites. Fais des goûts comme je t'ai dit, je suis l'hépatite. A, Z, and that's it, bad bitch. On rap, on est pro, on fait sauter la banco. T'es mieux d'acheter le nouveau CD de Frenchy Blanco. What? Je dis n'importe quoi, mec, dans la jungle animal. C'est cardinal, j'suis un cannibale. Du grand que j'pop, j'suis animal, bitch. J'ai rien à battre, venez de faire depuis que j'ai 16. Après, c'est sûr que j'rappe, mec, dans le strike, quand j'rappe sans cesse. C'est sûr j'te kill, quand j'arrive ailleurs, j'bangue la grosse schlager. Quand j'arrive, mec, sort des lèvres, j't'ai fait comme les lèvres Big Jagger. J'arrive, j'suis comme un solo de guide, mais par les Rolling Stones. J'ai rien à battre quand j'arrive, j'suis kill, bitch, j'suis trop hill. Instinct the brain comme la meilleure tune de Cypress Hill. Parce que j'viens de l'époque, quand j'arrive, m'tit fada. Mec, c'est cop, j'kick ton blabla, mais j'te kick nada. Fait que, est-ce qu'on est hot, oh for show. On a juste des quotables, awesome comme Claude Legault. Freddy Gruesome, bitch, toi tu baisses comme 12 hommes. Hey yo, j'ai comme 12 nonnes, les tits de 12 nonnes. C'est tout comme, j'suis fucking crazy, bitch, j'suis a fucking monstre. Hey yo, j'recommence, pass le mic à mon bro, Cardi Card. T'sais qu'on est trop fucking fort, qu'est-ce que tu vas faire, Wong Sifu, j'devrais t'appeler Wong Sifu. Parce que tu rap pas, ta fucking culture comme il faut. Yo, t'es fini, j't'ai bien analysé. T'as le colon colonisé, puis foire et d'homme sodomisé. T'as ces jeux, j'ai rien à battre quand j'ai rien à battre. Mec, stop ton blabla, t'es à chier comme la barbe à papa. J'ai rien à faire, mon art en ronde. Quand que j'rappe tout le monde, mec, j'te donne 2 piastres. On va faire un tour, le gros de manège en ronde. Parce que t'as pas la même âge, quand j'arrive, mais j'persévère. J'suis ton directeur, avoir ta gueule, t'es la maîtresse scolaire. Quand j'arrive, t'es bad, pis tu penses t'es bad. Mec, que j'kick ton ass, quand j'suis live en exposé à râle. Ben c'est sûr j'te kick, ben c'est fini, that's it, j'kick higher. Ta gueule bitch, j'pitre, I'm on fire. Oh, check moi un beat pis j'vais le maltraiter. J'peux plus m'arrêter, j'suis un animal mal dressé. Oh, j'garde ça aussi simple que ABC. T'as jamais rien entendu d'aussi dingue pis ça te fait chier. Fait que tu veux me rabaisser, tu racontes plein de bullshit. Quand tu sais que mes paroles collent à ta tête comme ton post-it. T'es pas d'accord? Say what? T'es sot. Puis quand je te dis d'admirer mes notes, j'parle pas de post-it. Oh shit, j'suis bad as fuck. J'me démarque avec ma plume de vilain petit canard. Appelle-moi Daffy Duck. Dans ton char, j'me déplace en boss. C'est trop bad, c'est comme avoir mon propre chauffeur. Le reste, what's up? À part mes proches, j'ai rien à perdre comme Mo Zion. À part la mort, rien ne m'arrête quand j'suis en mode Saiyan. En mode Saiyan, c'est quand je ris, c'est sûr j'débloque. J'm'en vais au hip-hop, t'es l'écureuil, bitch, tu caches tes notes. C'est quand je ris, c'est sûr t'es fini parce que j'suis trop bad. Puis comme SPS me dit, tu flex en taxi cab. C'est sûr que j'suis trop meilleur, j'ai les skills, j't'enfie. De gros, j't'envie. Me mène, j't'en snow, j't'en ski. Pis j'ai les kicks, j'suis le meilleur, même de Peter Stash. J'ai rien à battre, c'est quand je ris, j'suis off the hook. C'est sûr, ta vie que j'la top. Quand je ris, j'connais mes drops. J'ai pas quoi dire, des fois j'ai pas les mots justes. J'utilise l'intellect, bitch, j'suis pas mes textes, mais la bibliothèque. Ça sort de ma tête, j'place les mots, les consonnes, les virgules. Parce que Ferdinand me lit les mots, il est tellement fort qu'en cul. J'ai rien à battre, j'suis le meilleur, le gros t'es bien appelé. Quand je dis, j'vais innover, j'kick ton ass dans le village gay. J'peux flag. Hey, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Ready, gruesome bitch, t'es une stupid bitch. C'est sûr, j'te smack. Hey, yo, hey, yo. Tu perds la face, c'est quand j'arrive que t'es basse. Pis j'kick le ass de tous les rappers, même le 18 mars. What? Tu vis que t'habilles camarade. Quand j'arrive, mais j'persévère. Je fais de m'appliquer fort, pis l'autre affaire, mais même appelle ta mère. Parce que tu rentres pas à soir. Quand j'arrive, t'es pas billard. T'es perdu dans le brouillard, parce que tu pars bitch, en même encore billard. C'est sûr que t'es fini. Prends un mail, pis t'avances. J'te kick aujourd'hui. Avant, pardon, ton testament. Parce que t'es fini, mec, c'est piquant. J'sais pas quoi dire, les mots viennent tout seuls. Ça finit, that's it. Wow. Peace! Hey, ça, c'est quoi l'agent, man? Ça, c'est quoi l'agent, yeah, right. Damn, son. C'est pas d'être pire. MONG, Ghetto Érudit, show le plus mong en ville. Solide, la barre est haute, la barre est haute. Y'a pas d'autres beats? Ben dans le fond, gars, ce qu'on va faire, c'est si vous êtes pas trop pressé, vous restez avec nous parce qu'on a d'autres invités qui sont là. Il y a notre boy Frenchy Blanco qui est dans la place. Il y a Sa Majesté l'intrus qui s'en vient. Fait que, on va pouvoir continuer ça à aller. Dream mais, team, bitches. Entre-temps, tu sais, il faut rester. Faut pas en donner trop à l'achat. T'sais. C'est vrai, c'est vrai. Le monde, ils vont avoir des accidents dans les chars. T'as raison. On va causer des carambolages. Sauf qu'on perd au Fruit Chili Chill. Fait que on va aller avec une petite pause musicale, deux tracks. Ensuite, on revient avec notre boy Frenchy. L'extrémiste zen, plus que juste de la musique, ainsi que Karma Achika, un track bien deep. Deep, son. Big up. C'est pour ceux qui prennent le temps de préméditer un zap. Par ici on donne des ordres, ça c'est plus que juste la musique. What? Ça c'est plus que juste la musique. What? C'est pour ceux qui prennent le temps de préméditer un zap. Par ici on donne des ordres, ça c'est plus que juste la musique. What? Ça c'est plus que juste la musique. What? Raw gaz la bouteille de D-Bag non filtré. Comment écrire lorsqu'on spit le rap est illettré, hein? Cherche pas à comprendre le flow, décortique la technique. J'file pas électrique ni électronique. Avec un MPC, j'fais du PPC. Le swag H typique, lègue la caille. Monte sous le stage avec un chapeau de paille. Après un bloc de 3 grammes, prends le mic et partage des drames. J'rappe sur la trame sonore d'un film de Pablo Di Palma. Soit parle pas de moi, mais parle en mal de l'ex. Jusqu'à ce qu'on parle de moi dans les palmarès. Moi cherche du bif quand j'trouve pas le respect. Éloigne ta sœur car on n'est pas discret. Dans le rude, son intimité n'aura plus de secret. Fuck une demande de pardon. T'écoutes un pas bon, Christy avec des bons vagabonds. Récalcitrants, délinquants qui perdent du temps ou bien font du temps. C'est pour ceux qui prennent le temps de préméditer un zap. Par ici on donne des ordres, ça c'est plus que juste de la musique. What's ça? C'est plus que juste de la musique. What's ça? C'est pour ceux qui prennent le temps de préméditer un zap. Par ici on donne des ordres, ça c'est plus que juste de la musique. What's ça? C'est plus que juste de la musique. What's gangsta, gangsta, je connais le parcours par cœur. Je n'ai qu'été venu tête, qui a manqué sa shot et qui tombe pas par erreur. C'est pour mes necks, déporter du lèl, back to cité soleil et continue dans sol à merveille. C'était mon bridge, Jen Bullgren, fucking grime, je l'aimais bien, malgré qu'il visait mal. Ses pantalons sag, mais le soldat marche drette. Je roule avec des necks fiables comme un 38 à roulette. Trop de style, je suis débordé, le vase est presque plein. Ajoute-y quelques gouttes, cause trop fort, sauf je perds le bout. J'entends des voix dans ma tête, mais le pire c'est que je les écoute. Un cœur perdu dans le rap, une balle perdue dans le crowd. Tu choisiras comme cible, même si tu trouves insécure, rien à foutre. Un tel était bootleg jusqu'au Timbuktu. C'est bizarre, mais les fous. C'est pour ceux qui prennent le temps de préméditer un zap. Par ici on donne des ordres, ça c'est plus que juste de la musique. What? Ça c'est plus que juste de la musique, hein? C'est pour ceux qui prennent le temps de préméditer un zap. Par ici on donne des socs, ça c'est plus que juste de la musique. Ça c'est plus que juste de la musique. C'est pour ceux qui prennent le temps de méditer un zap. Par ici on donne des sorts, ça c'est plus que juste la musique. Ouais. Ça c'est plus que juste la musique. Ouais. This year, suckers ain't going nowhere. This year, suckers ain't going nowhere. This year, suckers ain't going nowhere. Quand je dis quelque chose de profond, tu peux dire que c'est deep. Quand je dis quelque chose de profond, tu peux dire que c'est deep. Quand on rentre dans le club, on rentre 20 deep. Et on donne du bâton, shout out à 50 deep. J'suis un gars low key, mais pas me deep. Y'a plein d'undercover comme Fishburne dans le film deep. Cover, les types savent que j'donne ça deep. Je ne révélerai pas les pots, ça rentre bien deep. Mon game est rendu trop tight, yeah, yeah. Il est trop deep. Elle fait comme Janet Jackson, elle est beau deep. Elle a le teint caramel, les yeux deep. Blue, les mix dans notre race vont assez deep. True, y'a encore du racisme, les problèmes sont deep. Dans le mental, je révèle les faits trop deep. Pour l'instrumental, mental, mental, mental. Ton ami est peut-être deep, mais moi je suis plus deep. Ton ami est peut-être deep, mais moi je suis plus deep. La game est fucked up, c'est rendu trop deep. La game est fucked up, c'est rendu trop deep. Trop deep, trop deep, trop deep. Trop deep, trop deep, trop deep. Trop deep, trop deep, trop deep. Deep. Backseat de la Jeep en train de prendre deep. Pas des jokes, balance la sauce, le beat est trop deep. T'es prêt pour la dose, parfois mes propos sont jusqu'au deep. J'peux aller loin comme un quarterback qui dit go deep. Comprends ce que je veux dire, les mots toujours bien placés comme une cible sur ma mur de tir. Pour deep. Le meilleur, pour le pire, après ça tu finis six feet. Je me rappelle back in the days quand je m'empêche du gros mob deep. Pas trop préoccupé, y'avait rien qui était trop deep. Maintenant tu peux te perdre dans la rue si tu trouves into deep. Comme le film avec Omar Epps, serait une femme en disant Epps, si je sais pas son nom. Yo, toi t'es deep. Pour de vrai, c'est juste trop, trop, trop deep. Le shit est juste trop, trop, trop deep. Trop deep, trop deep, trop deep. Trop deep, trop deep, trop deep. Comprends ce que je veux dire. Fais-moi pas écouter ton track, figure pas deep. J'entends le monde demander trop de track deep. Fais-moi pas écouter ton track, figure pas deep. J'entends le monde demander pour des tracks deep. Trop deep, trop deep, trop deep. Trop deep, trop deep, trop deep. J'suis pas du tout mad at you dog. Subis les ravages que mon petit bully a de tout. Hey yo, y'a can't bust with us. J'suis comme wicked même quand j'fausse une note. La baseline te décompose, c'est bien un gros tolos. Comme quand un oiseau se pose dans le haut d'un poste. Une aile noire puis un reflet rose sur l'autre. Qu'allons que l'aube est proche. Ton essai d'essayer de refuser tombe à l'eau, tu le flush. T'as peur d'une dope dont t'as jamais osé token pop. À la claire nous autres, on a la dope de sauce. On arrose le plat, mose qui l'écoute voudrait quitter. Mais ça fonctionne pas, sans aucune force. J'débloque chaque défaut du prochain rush de mots le plus beau jamais sorti du fond d'une gorge. Poésie interne, c'est impossible car c'est une smart. À la claire, cliquette, show collé en sous tes bottes. Hey yo, you can't fuss with us. Ta tête est une poignée de porte. T'as l'esprit serrure pis tu résonnes comme une cloche. Suis nos potes, tu vas finir dans des endroits louches. À te demander qui m'en couche, en fumant du qui m'écoute. À la claire, c'est la fucking drogue. T'es là perdu, tu grappes les bras. T'attends juste qu'on t'apporte l'album. La grosse affaire du jamais vu depuis les pyramides. On revient sur terre avec des vaisseaux beaucoup plus. Fait tes passes, on a fini ce qu'on avait à faire. Gradué en 2012 pendant que tu copiais le dictionnaire. Les MC vont rester doux comme des tipis tous. C'est à la claire, bien sale, qui run things. Un point c'est tout, you can't fuss with us. J'suis ben trop boss, t'es en retard. T'as raté le dernier métro boss. Yo, fini si oui, semi-groupie, t'as des guides, du easy boss. Pas trop, c'est moi qui qu'écrit les rats du godin de Grassy. Can't fuss with us original. Mange un genre de merde, écoute ce beat des Ken Dog. Mais pour ton safety, lâche the crack. Quand tu pars ton head, on dirait que tu marches une graine. Cheap shot, mais ta petite voix, t'es soft, t'es sec. Fucking lourd, je te laisse tomber, ça vaut pas la peine. Respect le son raw que les gods amènent. Yo, hey yo, je sais où t'habites, bitch. Fuck around, les jeux mots aussi t'avis. C'est le passi-passe, passi-passi-passe. Passi-passi-passe, passi-passi-passe. C'est le passi-passe, passi-passi-passe. Passi-passi-passe, passi-passi-passe. À la classe, on le beat, fuck, fuss dessus. Fuss dessus, you fuss dessus. Si t'entends du whack, on est pas dessus. Pas dessus, pas dessus. À la classe, on le beat, fuss dessus. Fuss dessus, fuss dessus. Si t'entends du whack shit, on est pas dessus. Pas dessus, pas dessus. Ha, keep on, keep on. T'as jamais vu, babu, babu, t'as jamais vu. T'as déjà vu, babu, babu, t'as jamais vu. T'as jamais vu, babu, babu, t'as jamais vu. T'as déjà vu, babu, babu, t'as jamais vu. Jamais vu, babu, babu. À la claire ensemble. Yes, gros track. Donc, qu'est-ce qu'on vient d'écouter dans le dernier bloc? Ah, une petite interlude musicale. Donc, on avait justement une pièce de la claire ensemble. La pièce Fossy Foss. Ensuite, juste avant, Deep avec Wally Sparks et Karma Achika. Et juste avant, une tracks de l'extrême zen, plus que juste de la musique. Puis bon, les gens à la maison, on a un autre invité de marque dans la place à être, un vétéran de la scène locale. What's up, Sa Majesté l'Intrus? En forme? Je pense que ça veut dire qu'il est en forme. Yeah, je suis là, man. Qu'est-ce qui se passe? Tranquille. Écoute, tu viens nous présenter ton projet Désintox, qui est présenté par DZ Entertainment et Star Status Records. Donc, ça fait combien de temps que c'est sorti, ça, en fait? Ben, c'est un projet que j'ai sorti en mi-décembre. Ouais. Donc, on peut dire que ça fait 2 mois qu'il est sorti. Il est en vente dans tous les petits spots underground. C'est un bon street album de 20 tracks. Pour ceux qui n'ont pas pu se le procurer, il est disponible sur le net en version free download. Il y a genre 9 tracks sur 20 qui sont en free download sur le net. Si vous allez checker mes trucs, vous allez voir ça. Et bon, j'ai fait un petit sondage, fait que pour le monde qui ont répondu puis qui sont très down, il va y avoir une deuxième partie du free download qui s'en vient très très prochainement. Okay. C'est l'autre partie justement de l'album qui est pas sorti, plus des inédits. Puis en même temps aussi, il va y avoir des clips qui s'en viennent avec ça, qui sont reliés dans... Donc, c'est ça le buzz qui est autour du Désintox en ce moment que je vous présente. Là. Donc, c'est ça. Mais là, tu dis que c'est disponible en une certaine partie est en téléchargement sur le net. Si les gens veulent se le procurer, on va sur quel site exactement? Ben, vous allez sur ma page HHQC. Okay. Puis vous cliquez là-dessus, il y a le mixtape qui est là, puis le lien est là. Vous avez juste à cliquer dessus, puis tout est frais et dispo. Parfait. Check toi puis le chum, vous êtes pas mal, vous travaillez pas mal ensemble ces temps-ci. Puis bon, le chum, je sais qu'il aime ça, gâter ses auditeurs en donnant beaucoup, beaucoup de tracks gratuites. Bon, on parle de mixtape de 50 tracks et plus. J'imagine que toi aussi, t'es rendu dans cette optique-là, qu'il faut que t'alimentes ton buzz, que tu donnes beaucoup de matériel à tes fans. Avant de finalement leur servir le plateau principal. C'est exact, c'est exact. Parce que maintenant, la façon que la game est, les fans sont rendus plus greedy à cause d'Internet, à cause de toutes les affaires. Puis nous aussi, en tant qu'artistes, on n'a pas le choix de les feed. Ouais. Donc oui, c'est vrai, j'ai mon associé aussi qui est à côté de moi qui donne beaucoup de free download. Donc j'ai comme appris un peu de ça. Il y a certaines affaires que je suis down. De donner de la musique, ouais, 50 tracks, moi, je suis pas nécessairement down. Ça, c'est sûr qu'on n'a jamais vraiment été d'accord là-dessus. Je trouve que c'est un petit peu trop. C'est beaucoup. Ouais, c'est ça, parce que tu perds un moment donné, le monde qui écoute ça, c'est comme, mais je dis, un bon 20 tracks, regarde, là, on donne ça en free dans l'autre, puis le monde sont bien contents, tu comprends. Mais moi, je viens avec ma version à moi, tu comprends. T'sais, j'en donne 10, c'est juste assez, c'est pas trop pour saturer le monde, juste assez pour que le monde écoute mes trucs. Puis ceux qui sont dans, mais ils continuent, puis ils vont se procurer les projets qui s'en viennent après, l'album, etc. Là, je regarde justement la liste des pièces là-dessus. Sur le projet Désintox, il y a 20 tracks. Il y a beaucoup de collabos là-dessus. Peux-tu nous faire le tour un peu des gens? Je sais qu'il y a du monde de ton team. Il y a aussi, on voit quelques noms de l'extérieur. Là, je vois ici les sosies, Frenchy Blanco. Oh, man. Franchement, sur le Désintox, regarde, il faudrait que tu me passes le truc parce que je connais pas par tête. Il y a tellement de monde là-dessus. Ce que j'ai fait au fond, c'est que pour ceux qui me connaissent dans la scène, ils savent que je suis une personne qui a toujours aimé ça, partager mon talent avec les artistes locaux. Ouais. Donc j'ai vraiment travaillé avec une majeure partie de la scène. Puis sur ce projet-là, ce que j'ai fait, c'est... La plupart du monde que je disais, il me semble que lui, je devrais faire un track avec, ou bien ça fait longtemps qu'on se dit qu'on va faire un track ou blablabla de même. Fait que c'est en partie ce monde-là qui se sont retrouvés sur le projet. C'était pas choisi en tant que tel, il n'y a pas eu de plan pour cet album-là. C'est en travaillant sur mon album, il y a des chansons que je trouvais qui faisaient différent. Pas ouais. qui étaient moins bonnes, mais qui allaient dans une autre direction. Puis à la fin, en rajoutant des tunes, des featuring, c'est ça que ça donnait. Puis bon, on a été comme choyé de travailler avec beaucoup de personnes. Comme si tu vois, il y a du monde de la team, dont le Chum, Big Nomad, Team, Recal qui sont là. Mais j'ai aussi été à l'extérieur, tu comprends. Il y a genre, tu sais, Cobna qui est là, j'ai Snagashi qui est dessus, j'ai Susie qui sont là, Frenchy Blanco qui est là, Buzzy Boy. T'sais, j'ai vraiment été partout, tu comprends. Moi, je me prive pas pour personne, tu sais. Je fais de la musique, puis si je sens qu'à un moment donné, c'est le temps que je fasse une chanson avec MC XYZ, ben je vais le faire pour ma satisfaction personnelle. Puis mes fans, s'ils aiment, ils aiment. Puis ceux qui aiment pas, ben je suis désolé pour vous autres. Puis avec, artistes. Puis avec toutes les années que tu as d'expérience dans la scène, tu es toujours un passionné? Si je suis toujours motivé? Ben, je peux pas te dire que je suis motivé comme que je l'étais avant. Comme tu peux le voir en ce moment, tu sais, j'étais avec mon manager qui est ici. Ouais, ouais. Le petit manager. Le big boss. Il veut Chad. Parler en ondes, en fait. Ouais, il veut parler. Le message. Ils sont entendus, là. Dis allô, tout le monde. Dis bonjour aux gens. Allez, vas-y, dis bonjour aux gens. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est fait. OK, il est timide, fait que... Ceux que... Tu sais, tu comprends, t'sais, dans le temps, quand j'ai commencé le rap, j'étais jeune, tu sais, on faisait ça pour le fun, pour le plaisir, on a continué comme ça, puis après ça, c'est rendu qu'on a vu que c'était une business, puis il y a plein d'affaires qui tournent autour, t'as eu des amis, t'as perdu du monde, t'as grandi avec du monde, plein de beef, dans la rue en tant que tel aussi, en tant que jeune noir, le rap est relié tellement avec des affaires de gang maintenant, de quartier, de ci, fait qu'il y a tellement eu de bonnes choses et de mauvaises choses que je peux pas te dire que j'ai le même engouement pour le rap. C'est, je serais un menteur de dire que oui, je suis comme avant puis que j'adore ça. Je serais un gros menteur. Là, maintenant, je le fais par passion. C'est mon hobby. J'aime ça. J'ai ma journée que je vais au studio qui est ancrée, fait que je vais me lever puis je vais aller au studio pareil. Mais regarde, tu sais, je me fais pas d'illusions. J'ai mon rêve, j'aime ça, je vais faire de la musique, je vais toujours en faire, mais j'ai des priorités maintenant, tu comprends? Ouais. C'est comme, tu sais, de la game, j'ai tellement mis d'efforts dedans, tu sais, je peux pas dire que j'ai pas reçu ce que je croyais t'es recevoir, mais t'es dans la vie, t'es la musique, spécialement au Québec, c'est très difficile. Il faut que t'as plusieurs options, tu comprends. Plus jeune, on met le rap comme tes premières options, puis en vieillissant, on apprend à comprendre que c'est pas supposé être comme t'es la première. C'est un hobby que tu fais, tu partages un talent avec du monde, puis si ça marche, ben ça marche. Si ça marche pas, tu comprends. Faut que t'aies une autre option. T'sais. Là, maintenant, à mon âge, c'est comme ça que je le vois. Ça fait plus que 10 ans qu'on te voit sur la scène. Justement, hey. L'évolution, là, aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses? Tu crois que... Tu penses quoi de la situation actuelle du game au Québec? Y a-tu des noms, des coups de cœur, des coups de masque que t'aimerais donner? Coup de cœur, coup de masque. Toi, si c'était avant, je me serais mis à déblatérer, à manquer de respect à beaucoup de personnes, à dénigrer, scratcher des noms. Maintenant, je suis plus dans. J'ai plus le temps pour ces affaires-là. Moi, je donne du love à tout le monde qui essaie de faire de la musique, qui essaie de faire avancer la cause, qui prennent le temps de payer leur beatmaker, qui prennent le temps de payer leur studio, ouais. qui prennent le temps de sortir des projets. Parce que regarde, c'est tellement difficile, tu sais, en ce moment, que le minimum d'effort que tu mets, t'sais, j'ai pas le choix de te back up, même si c'est pas bon ce que tu fais, tu sais. La seule affaire que je trouve qui est dommage, c'est que mon produit est placé à côté du produit de plein d'autres personnes que je trouve qui sont pas nécessairement à faire là, mais je suis qui, moi, pour dire que, tu sais, ils ont pas à faire là, tu sais, tu comprends? T'sais, c'est comme à cause d'Internet, n'importe qui peut avoir une belle page sur Facebook ou bien sur MySpace, mettre une belle photo avec infographie, aller en studio parce que t'es papa, maman, t'as de l'argent, puis te paye un beat, puis t'es disant n'importe quoi quand c'est même pas la vie que tu vis, etc. Fait que n'importe qui peut le faire. Fait que regarde, on va arrêter de mentir avec ça, là. Ceux qui sont bons, les vrais, t'sais, real recognize real, puis le reste, regarde, ça tombe dans les oubliettes d'une façon ou d'une autre, man. Le projet Désintox, c'est l'avant-goût de l'album officiel Dommage des intérêts, c'est ça? Certains le disent. Moi, je préfère mieux les laisser croire, tu comprends? Il n'y a plus de prédictions maintenant, tu sais. On veut plus être prévisible, tu comprends? Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet-là ou Ouais. Dommage des intérêts, tu comprends. Ça fait longtemps là que tu works là-dessus. Là. Non, c'est fait. Ça fait longtemps que c'est fini. Ok, il y a déjà. Ouais, ça c'est un album quand même pas un an. C'est done, enregistré, rap, mixé, tout est fait. C'est juste on attend le bon moment pour le sortir. Il n'y a pas de travail comme tu sais. Il y a d'autres monde qui vont en studio puis qui retravaillent. Non, regarde, moi une fois j'ai fini un projet, j'ai fini mon projet. Je travaille à d'autres choses. Je suis déjà en train de travailler sur le deuxième, sur le deuxième album et le deuxième suite album en même temps. On est déjà en branle. T'sais, nous autres, on n'arrête pas. On n'a pas un timing où t'sais, rester là à retravailler. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, tu comprends? Il faut pas se casser la tête avec ça. Mais je pense que ce serait le bon moment d'écouter justement une pièce du street album Désintox. Moi, une pièce que j'aimerais bien entendre, c'est une collabo qui m'apparaissait unorthodoxe. La première fois que je l'ai vue, c'est la pièce avec les sosies. Peut-être juste brièvement raconter comment tu as rencontré les gars. Ça fait un bout que vous connaissiez et tout ça. La morsure, yes. Moi, puis les gars de sosies, ça fait un bon bout qu'on se connaît justement. T'sais, depuis dans le temps, avec Shoudi, on avait déjà travaillé sur son album Mauvaise Fréquentation. Puis il y avait justement un des sosies qui était sur le track. Puis à un moment donné, vu que c'est mes boys, des fois je descends à Québec, puis on trippe comme ça. Puis tu sais, j'étais chez GLD, puis on trippait, puis on foutait rien. Puis les deux frères, ils étaient là, puis on s'est dit, ben regarde, on va aller au studio, on va aller record un track. Okay. Puis aussi simple, on a booké une session studio, on a trouvé un beat. Puis on est avec ça maintenant, dans 2-3 heures, le track était fait, enregistré, mixé, nice. Puis c'est ça, man. Cool, fait que ben, pour les auditeurs, on écoute cette pièce, La morsure sur la marge. Le maestro, les soldats de l'infanterie, si ton scarbe du bec, c'est que ça sent trop la menterie. Quand je spit, c'est la morsure. J'suis comme un pit, mon pit, yes, spit. Yeah. Pourquoi y'aura des morsures? Moi quand je te spit ma boulette, les filles braillent ma grippe, juste une petite bise ma poulette. Si on sait aller sur Z, elle est intrus dans le code de porte. On porte mon steak, ce qui dit pas de colporte. Au coca, il me tasse, eux la cam, ils crachent, les écrasent. Mon sang reste kamikaze. Rap et rock, comme un troc ton gars. Atroce mais propre, nous on s'occupe de ton gars. C'est la morsure. Go-go gadget, c'est un fait, c'est un fait que j'inspecte, j'te sens mon go-go gadget. Ailleurs t'es pour brûler, mon rap c'est Red Rum, les Red Nose ont hurlé, j'suis plus qu'une porte de drogue. On est venu craquer la machine, faire surchauffer le matos. Fais gaffe à ma bise, tu viens de bouffer ma cause. Dans mes rimes, est-ce un signe, c'est des crimes, j'assassine. Ton petit âge lacine, tu demandes est-ce l'insigne. Baby sans mon allège, j'te malmène, c'est odeur des moloviennes, arrose au port de Cayenne. Ils sont sortis Jackai, pour le mic c'est Newman, les beats vont te mettre sur la paille. J'ai la démarche Paul Newman. C'est la morsure. Comme Mexicano, on fait des choux épuisés, écoute de musicano. Embrasse le petit chat, je m'en spit des mendards. C'est des clocks qui fait chante sur le capot, mon Windsor. J'oublie pas ma tâche, mes souliers sont tachés. L'acheter, t'es lâché, au soulier, c'est taché. On est des real hoodies, on crache des cartouches. Nos filles bien trop mises, mais mon rap, c'est partouche. Les micros sont salés, avec un peu de salive. C'est le tapis salé, pour ces shit, ça arrive. Tous ces déchets, j'ai déchiqueté. Il se cache éparpillé, je crache sur les papiers. C'est la morsure. J'assassine les écrans. Une autre nouveauté sur les ondes de Ghetto Érudit, c'était La Morsure, un track de Sa Majesté l'Intrus avec les Sosies de Québec. Gros track, sérieux, Dad, t'as fait un bon choix, man. Ouais, ben c'est ça, j'avais hâte d'entendre les Sosies. Je trouve que les gars, ça, ils se pètent vraiment nice. Ils ont un style assez particulier. Puis l'Intrus aussi, t'as ton propre style aussi. Fait que je trouvais que ça allait être intéressant à entendre. Puis je suis pas déçu, man, c'est... Un nice track, en plus, tu dis que ça s'est fait une soirée comme ça. Boom bang, G. Moi, t'sais, la plupart de mes tracks, toutes ces tracks-là, c'est. Il n'y a rien qui a été prévu. C'est tout, genre, c'est des tracks sur le spot, là. C'est tout live en studio. Je trouve le beat tout de suite, j'écris mon verse tout de suite, je le rec. Je viens deux jours après, c'est mixé, puis c'est fait, là. Il n'y a pas de plan d'attaque, là. Ça s'est fait on a spot, puis ce track-là, ce qui est bon, c'est que je trouve qu'on a comme ramené le genre de son East Coast là, de back then, là, tu comprends, ouais. Strictly rap, là, tu comprends, rien de c'est juste du rap ce track-là, il y a pas de gros truc en arrière, c'est du rap, on spit, on déchire le beat, tu sais, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Justement, ça, tu parles que la plupart des featuring là-dessus, c'est fait avec des gens que tu côtoies ou des amis. Est-ce que selon toi, c'est comme ça que ça devrait se faire, le hip-hop? Toi, qu'est-ce que tu penses des collabos qui se font? C'est-à-dire entre des gens peut-être qui se connaissent pas ou des trucs comme ça. Est-ce que toi, tu penses qu'il doit y avoir une chimie déjà à la base pour que ça fonctionne sur micro? Si c'est une business, comme là, ici au Québec, on s'entend que c'est pas vraiment une business qui va te faire te rapporter des millions, fait qu'on s'en fout. Tu sois fit avec genre tes boys puis ta famille pour que le monde puisse être exposé puis comme t'es avoir un certain shine. Ouais. Si tu serais dans un market comme aux States ou bien en Europe, que tu peux faire de l'argent avec ça, tu vas mettre certains de tes boys qui ont le talent puis qui sont susceptibles de faire avancer la cause. Eux, tu vas les mettre, mais tu n'auras pas le choix d'aller de prendre du monde qui sont dehors de ton team qui font bubble parce que c'est une business. Faut que tu vendes des albums. Okay. Tu sais, au Québec, c'est pas une question de vente, on dirait. Là, ça donne plus d'une joke. Ouais. Mais quand tu es dans un vrai market, tu n'as pas le choix de mettre du monde qui shine. Comme si en ce moment, le gars qui est hot, c'est Wiz Khalifa, mais il doit être sur ton album, G. S'il n'est pas sur ton album, ben c'est ou tu es broke, ou t'as foiré, ou t'as un plan qui est meilleur que ce plan-là, parce qu'en ce moment, c'est ce plan-là qui marche. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est définitivement vrai ce que tu dis, parce que souvent, ces gens-là sont signés sous des grosses étiquettes, des major labels, et puis les décisions se prennent d'en haut, et ça l'influence directement s'il y a une nouvelle coqueluche, comme je pourrais dire l'exemple, en début d'émission, on a mis un track de Lupe Fiasco avec la chanteuse Skylar Grey. C'est elle qu'on a entendu aussi sur le nouveau track de Dr. Dre. Puis bon, là, tu vas voir, elle va être sur toutes les hot tracks. C'est du business rendu à ce stade-là. C'est son temps, elle shine, tu fais une business, tu veux rouler, tu veux marquer l'histoire, tu prends ce qui roule gentil en ce moment. Tu mets de ton talent à toi, tu comprends? Il ouais. Faut pas essayer de refaire la même chanson qui a déjà été faite par l'autre artiste. Faut que tu fasses ces bubbles avec le talent, tu comprends, mais t'auras pas le choix. T'sais, c'est comme ici au Québec, il serait temps que les artistes commencent à comprendre ça. Ça sert à rien que tu gardes ton petit affaire chez toi. Là, garde. Personne vend des millions ici, G. Tu comprends? T'sais, les gars pensent qu'en restant les petits clics dans leur coin, puis en faisant leur petit feed comme ça, qu'ils vont manger. Personne ne va manger comme ça. Ça fait des années qu'on le fait de même, puis personne ne mange. Il y a deux, trois personnes qui vont, OK, faire un peu de cob, mais qui mange vraiment, tu comprends? Quand le monde va se mettre ensemble, ils vont dire, regarde, en ce moment, Frenchy vient de sortir son shit, il est hot, mon album sort dans deux semaines, ben je mets Frenchy sur mon album. Ouais. Parce qu'en ce moment, il est hot, il vient de sortir de quoi? Quand tout le monde ici vont penser de même, puis vont comprendre que, regarde, il va pas enlever ton talent, là. Il va pas t'enlever de quoi. Au contraire, vous allez gagner de quoi les deux ensemble. Quand le monde va comprendre ça, là, reviens me parler d'une scène, puis repose-moi la question, toi, de l'engouement que j'ai pour faire de la musique. Ouais, ouais, ouais. Parce que le monde ne savent pas c'est quoi, tu comprends? Ils veulent prendre des postes businessmen, ils sont pas businessmen. Ils prennent des postes rappeurs, ils sont pas des rappeurs. Fait qu'on est tous mélangés avec du monde qui savent pas ce qu'ils font, puis après ça, nous, on est rendus à pas savoir ce qu'on fait nous aussi. Parce que le monde qui savent pas c'est quoi vont dire que ça c'est bon, puis toi c'est pas bon. Fait que là, on fait quoi nous autres? Ouais. Real talk avec Sa Majesté l'Intrus. Qui donne le vrai temps de ce qui se passe dans le rap game actuel. Sinon, tu passes beaucoup de temps dans les studios, d'après ce qu'on comprend. Est-ce qu'on va avoir la chance de te voir sur une scène dans les prochaines semaines, prochains mois? As-tu des shows prévus? Il y a une couple de shows qui sont prévus. J'ai pas les dates live avec moi. Moi, si vous voulez être au courant de ce que je fais, vous avez juste à rester hook sur mon Facebook. Je vous donne toutes les informations. J'ai pas de date live. Mais restez... Suivez les trucs, man. Il y a plusieurs affaires qui s'en viennent. on n'arrête pas de travailler. Nous, on chôme pas. On est toujours en studio. On est toujours en train de travailler sur d'autres trucs. Fait que restez à l'écoute, puis vous allez pas être déçus. C'est juste ça que je peux vous dire. Sinon, Dash, je crois qu'on est rendu à la partie protocolaire. Ben, on va écouter une dernière track rapidement. Une pièce, après, vas-y, on revient avec la performance. Ben, c'est ça. Je pense qu'on pourrait y aller avec une pièce qui feature un gars de votre clique, Récal. La pièce Regarde dans mes yeux. Yeah. Tu me dis que ben en fait c'est produit aussi par le chum. C'est un gros track, ça c'est le dernier track que j'ai enregistré sur le street album. Tu vois, encore une autre fois, j'étais en studio. Puis Récal est arrivé de même random. Puis en checkant les tracks, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas de track ensemble. Puis en embarqué comme on ça. On a pris le beat, on a écrit le track. En dedans de 1h30, c'était enregistré, mixé, c'était fait. Et puis. Et c'est comme ça que j'ai rap l'album. Nice, nice. Fait que on écoute ça. Regarde dans mes yeux, featuring Récal sur la marge. Je me vois dans tes yeux, puis y'a que de l'indifférence. Regarde dans mes yeux, moi je vois pas la différence. On s'est sali, c'est pour ça qu'on s'allie. Je veux pas des chaînes, c'est pour ça qu'on se déchaîne. Je me vois dans tes yeux, s'il y a que de l'indifférence. Regarde dans mes yeux, moi je vois pas la différence. On s'est sali, c'est pour ça qu'on s'allie. Je veux pas des chaînes, c'est pour ça qu'on se déchaîne. Je te perds en soi, c'est comme ça que tu me perçois. Quand tu m'aperçois, je pense pas qu'il percera. Tu penses que c'était tête. Yo, tu parles à qui, toi t'es qui, c'est à qui depuis le temps des acquis. J'ai un buzz et déposé. J'suis pas une bouse, pas de baisse, j'viens pas abuser. J'veux pas une business, non j'veux une business. Pas de stress, unlock, j'ai plus de stress. J'connais ma description d'un script du street. Y'a plein d'inscriptions, c'est comme ça que des trucs sont. C'est la destruction, c'est pas de la fiction, c'est là que les flics sont. Ils sont partout eux-mêmes. Lis sur mes lèvres, il faut que je me lève. Je suis plus un élève. J'ai changé de grade, hein. Il faut que je m'élève, c'est pour ça que j'en enlève. Il faut que je me relève. Je me vois dans tes yeux, puis y'a que de l'indifférence. Regarde dans mes yeux, moi je vois pas la différence. On s'est sali, c'est pour ça qu'on s'allie. Je veux pas des chaînes, c'est pour ça qu'on se déchaîne. Je me vois dans tes yeux, s'il y a que de l'indifférence. Regarde dans mes yeux, moi je vois pas la différence. On s'est sali, c'est pour ça qu'on s'allie. Je veux pas des chaînes, c'est pour ça qu'on se déchaîne. Les shit sont fucked up, mais non je peux pas reculer. Je me sens comme une fusée, des fois j'ai envie de déconner. Parfois même déconner, ici ça sent pas bon. Un conseil, t'es mieux de boucher ton nez, y'a quoi te laisser étonner. Y'a plein de putes et des filles dans mon quartier. Plein de trafic, oui comme sur le pont Jacques Cartier. La tentation est forte, difficile de résister. C'est fou comment que le monde peut changer en un seul essai. Si tu regardes dans mes yeux, tu verras de la colère. C'est du pur shit, négro, y'a pas du Molière. On serre les molaires pendant que certaines viennent bipolaires. Le stress quotidien, yeah, y'a plein de frictions dans l'air. Mais j'ai pas le choix, je te l'ai déjà dit, man, j'fonce. Malgré que j'ai plein de questions qui sont encore sans réponse. J'fume beaucoup, oui c'est bon pour la méditation. Négro, fais attention, d'ailleurs c'est fou, c'est pas un film d'action. J'me vois dans tes yeux, puis y'a que de l'indifférence. Regarde dans mes yeux, moi j'vois pas la différence. On s'est sali, c'est pour ça qu'on s'allie. J'veux pas des chaînes, c'est pour ça qu'on se déchaîne. J'me vois dans tes yeux, puis y'a que de l'indifférence. Regarde dans mes yeux, moi j'vois pas la différence. On s'est sali, c'est pour ça qu'on s'allie. J'veux pas des chaînes, c'est pour ça qu'on se déchaîne. Yeah. Ghetto Érudit, we're back. Regarde dans mes yeux, collaboration avec Récal, un autre gros track. En fait, il y en a 20 là-dessus. On vous invite à vous rendre sur le site officiel pour vous procurer quoi? 9 pièces. HHQC.com/ Sa Majesté l'Intrus, c'est exactement. Ça? Exactement. Il y a 9 pièces en ce moment qui sont free download. Puis dans vraiment pas long, il y a une couple de... En tout cas, je donne pas de date. Vous allez le voir. Juste allez sur mon Facebook, là, le monde. Vous allez le voir, man. T'sais, vous voulez pas être sérieux, on va agir en pas sérieux. Quand on donne les dates, le monde respecte pas les affaires. Fait qu'on va agir, tu sais, de même. Vous irez sur mon Facebook très prochainement. Puis vous allez voir, il va y avoir une autre partie du free download avec 5 exclusifs, puis un nouveau vidéo. Donc, si vous voyez qu'il y a un nouveau vidéo qui est sorti, ben, posez-vous pas de questions. Le free download est sorti, puis il y a 5 nouveaux tracks qui sont dessus que vous n'allez pas trouver sur le projet. Alright? Alright. Fait que pour poursuivre avec le protocole, je pense que tu connais le time. Tu étais déjà venu à Choc FM dans le temps, à Ghetto Érudit, pour faire une petite performance. Donc ce soir, on te donne une autre plateforme pour pouvoir... On me dit qu'il faut que je freestyle. Non, freestyle. Ouais, moi, je ne sais pas comme... freestyle, mais dans mon temps, quand il y avait un beat qui bumpait, je vais vous faire ce qu'on faisait dans le yeah, temps. Man. Si c'est un freestyle, appelez ça un freestyle. Si c'est... Because, yo, rap ain't rap no more. So, there's no name to this shit. Fait qu'on va y aller avec un petit beat, là. Big shout-out avant que j'embarque sur le beat, man, à toute ma famille. DZ, Everyday, All Day, Star Status Records, Le Chum Production, mon manager ici qui est avec moi, Chad Lee, Chad Leezy, tu comprends ce que je veux dire? Frenchie B, I got you, tous les gars qui sont là, man. Puis à vous aussi, merci encore, parce que j'ai remarqué que maintenant, il faut que tu te battes pour avoir une entrevue dans une émission de radio, même quand tu viens de sortir un projet. Ah, ben, j'envoie la flèche, vous savez à qui je l'envoie. Désolé, homie. I love you too. On dirait que la game est sue. Quand tu vois comment que ça se passe, yo, je te dis que je suis déçu. Yeah, je dépisse dessus, yo, j'ai laissé ma trace. Chaque fois que je spit, yo, c'est comme ça. Je laisse la crasse. Yo, pourquoi les shit sont comme ça? C'est parce que je t'ai dit qu'il fallait venir décrasser. Entasser mes lyrics, non, ça s'est déjà passé. Maintenant, quand tu me vois, yeah, tu sais que je t'ai lassé. Fini les rimes en hein, et tu sais que je parle trop vite. Pas besoin de ton avis, check ma vie. Yeah, tu sais que t'en as envie d'être comme moi. Fuck that, tu sais que maintenant je cache ma chaîne. Parce que quand je me promène, les situations s'enchaînent. Wow, roll up, yeah, tout le monde est strap, tout le monde a son bac. Cop, mais check this qui fait le black cop. Yo, tout le monde vit sur des superstitions. Prostitution, comme le cerveau, je te donne ma prostitution. J'suis avec mon boss, le B.O.S. et a.k.a. Chad Leezy. Yo, dans la place, nous autres, on n'est jamais lazy. Demande à Chummy, Chummy, si j'ai des chums. Moi, j'en ai pas. Yo, demande pas à ta blonde, j'suis pas son chum non plus. J'ai ma style, puis fuck that, puis j'ai mon staff. J'ai mes stripes, puis quand j'arrive, yo, tu sais que j'ai le... Nah. Je vais pas parler de ça parce qu'il y a du monde sur les ondes. Puis toi t'es là, puis c'est nauséabonde. T'arrives avec ta bande. Moi j'ai des gadgets comme James Bond. Yo Coco Gadget, c'est moi qui arrive. Yo j'ai plus de padjet. Les shit sur le cellulaire, moi j'en parle plus. Parce que c'est rendu que dilaté. C'est rendu à la mode. Ils ont le tout dilaté. Moi je t'ai dit, appelle-moi pas. Si ça paye pas, fuck that dans mes poches. Je l'appelle pas. C'est comme ça que ça se passe. Je reste le boss. Sa majesté, chaque fois que je spit, tu sais que le shit il reste majestueux. Dans le temps on appelait ça un freestyle, mais maintenant yeah. Le monde yeah. Écrive ou ils font des rencontres ou regarde, this is what I do, tu comprends? C'est pas une question de arrêter d'être fake, revenez real. Toi là je vous ramène dans le temps quand le rap c'était du rap, tu comprends? Réécoutez l'entrevue, réécoutez le freestyle, écoutez de quoi je vous parle. Ceux qui connaissent pas la game, arrêtez de parler crack, retournez en arrière, tu comprends? On n'a pas fait ces chutes-là pour rien, man. Alright? I'm out, man. Word. Procurez-vous l'album Désintox, le street album. Vous pouvez écouter les pièces en téléchargement gratuit sur HHQC et surveiller prochainement l'album Dommages et Intérêts. Donc, sur ce, on va en pause et on revient ensuite avec Frenchy Blanco. Grosse émission chargée aujourd'hui à Ghetto Érudit. Comment t'informer sur tous les concerts qui ont lieu à Montréal? Une seule référence, Camus. Le seul magazine gratuit dédié uniquement à la musique. Pour découvrir toujours plus de concerts, va sur camus.ca ou profite de la version mobile m.camus.ca. Avec Camus, c'est dans la poche. Magazine disponible dans les présentoirs Pop Media. Tous les jeudis dès 19h, c'est la session live en direct des studios de CISM. À chaque semaine, un artiste invité prend possession de nos ondes pour une heure de prestations, d'entrevues et de découvertes musicales. Jeudi le 10 mars, la session live reçoit Grenadine. à trois, je vais m'enfuir et mettre ça sur ton dos. Mais la vérité, c'est que j'ai froid jusqu'aux os. Je voudrais moi m'enfuir si tu voulais pas de moi. Mais je voudrais bien prévenir les dégâts. Soyez au rendez-vous dès 19h sur les ondes du 89.3 FM, La Marge. La session live à CISM, une présentation de Solotech. Rise Against. L'excellente formation punk rock de Chicago présente son sixième album, Endgame. Incluant la pièce Help is on the way. Retrouvez Rise Against avec un son toujours aussi pertinent et actuel. Endgame. En magasin le 15 mars. C'est ISM. Yeah, yeah. Bon, on aime ça. C'est là que ça se passe. Et voilà, confirmé. Élabré dans ses feuilles. Marie-Laure, Marie-Lé. C'est ça. C'est sur des ondes de voyons donc. Ah oui, la radio... Qui s'inspire des dieux grecs, qui fait sourire beaucoup, beaucoup. Selon moi, la meilleure... C'est ISM, La Marge. Plein de bijoux là-dessus. Alors, ça va être du gros stock et de la programmation. Indéniablement infaillible. Le show le plus mort en ville se poursuit. Alors monte le son, ça va être mental. Bonne écoute. Let's go. Du 16 au 26 mars, le jazz sera sur toutes les lèvres. Pour sa 11e édition, Jazz en rafale célèbre le jazz au féminin. 24 concerts à l'Astral et au Upstairs et une centaine d'artistes, dont Jerry Allen, Elizabeth Contomanu, Terry Lynn Carrington, Linda O, Shimrit Shoshan, Jane Bonnet, Géraldine Laurent, Julie Lamontagne, Min Ranger et bien plus. Jazz en rafale, c'est aussi le concours de la relève Jupiter Van Doren et des classes de maîtres avec de grands artistes internationaux. Toutes les informations sur jazzenrafale.com. Un événement présenté par Télé-Québec, l'ULUB et Le Devoir. Après plusieurs années d'études en laboratoire, nos experts s'accordent pour dire que 9 dentistes sur 10 recommandent une bonne brosse. Et pour ce faire, ils vont tous à l'ESCO! En mars, on vous rentre dans les dents avec le 11e anniversaire. Vendredi le 4, les indésirables, les bâtards et le samedi, Death Boat. L'ESCO, pour un blanchiment de la mémoire ultra efficace. 44-77-11 et demi! Les Breastfeeders sont de retour avec leur troisième album, Dans la gueule des jours, en magasin le 8 mars sur Blow the Fuse Records. Ne manquez pas le spectacle lancement qui aura lieu le 10 mars à La Tulipe. Les portes ouvrent à 20h, le spectacle débute à 21h. Billets disponibles sur le réseau Admission et à la billetterie de La Tulipe. Téléchargez gratuitement 400 000, le premier extrait sur lesbreastfeeders.ca. Une présentation de Bon Sound, Blow the Fuse, Boréal et CISM. CISM 89,3 FM. Grosse émission chargée ce soir à Ghetto Rudy. Après Freddy Grossum, Card, Sa Majesté l'Intrus, on a le gars qui vient de sortir un album cette semaine, l'album Galactique. What's up, Frenchy Blanco? Yeah! Ça va, man? Yeah, man, c'est chaud, on est Galactique, you know what I'm saying? La famille dans la place ce soir, je suis content de voir tout le monde ici, you know what I'm saying? So, l'album est dans les bacs depuis quoi, la semaine dernière? Le 1er mars, bébé, you know what I mean? Comment s'est passé ton lancement? Le monde qui sont pas présentés, je m'excuse pour vous, you know what I mean, premièrement. Puis, c'est sûr et certain qu'on a eu un blast, you know what I mean? DJ Blast, DJ Manifest, Hip Hop All Night. On a eu plein de belles choses, de beaux mondes. Il y a eu des reptiliennes qui ont fait leur... reptiliennes? Des reptiliennes qui sont venues de la planète X, you know what I mean? C'était à voir. Il y a des photos sur mon Facebook, you know what I mean? So, allez checker ça. Il y a une couple de photos du lancement. So, ça a été marveloso. Pour faire un petit récapitulatif de ta carrière, là, bon, t'as commencé avec FP Crew. Yeah. Ben, dans le temps, je veux dire, depuis 95-96, on avait un groupe qui s'appelait Wallanders. Okay. C'était moi, Five Star, J-Rex. J-Rex qui est dans le film Bum Rush, you know what I mean, my boy 8 Ball. Il y en a 5 qui sort le 1er avril, you know what I mean, tu vas aller checker ce film-là. On a commencé ce groupe-là, puis là, puis y avait aussi le The Relic Squad qui était PhD, Big Shot, puis DJ Supreme. So, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a, on s'est mis ensemble, on a fait un merge, puis on a appelé ça FP Crew. Il y a eu du monde qui sont comme, you know, ils ont juste arrêté de rapper, you know, ici puis là. Mais à la fin de la journée, FP Crew, ça, c'était pour Four Peeps, Fame and Prosperity. C'était vraiment quatre gars qui faisaient du rap, you know what I mean, qui étaient amateurs avant de commencer aussi là-dedans. On était des fans de rap, you know what I mean. So, c'est sûr et certain que ça merge de là. J'avais mon produit francophone. J'étais le seul francophone dans le groupe. Ouais. So, je suis venu avec Haute Surveillance en 2006. You know what I'm saying? Gros collab avec, you know what I mean, le Wu-Tang, Inspect the Deck. Appelle tes connects. Yes, sir. Ouais. So là, on est venu, ça a pris un petit peu de temps. J'étais dans une autre planète, you know what I mean? Puis le temps et le timing est différent que, you know, le timing du de ce monde que vous, you know, que vous vivez dedans, you know what I mean? Moi, je suis un petit peu différent. So, je suis revenu sur la planète, you know what I mean, pour vous blesser avec Galactic. Qui est dans les bacs, comme tu as dit. Combien de projets officiels? Je sais qu'il y a souvent plusieurs mixtapes, là. J'en ai quelques-unes de FP Crew. Yeah. Combien de projets t'as dans les bacs? Officiellement, on a 3 projets dans les bacs. Donc l'album officiel. L'album Exposé FP Crew. Ouais. On a Haute Surveillance, Frenchy Blanco 2006. On a maintenant le nouveau bébé Galactique. Puis bon, pour faire ta dernière année, t'as été quand même actif. T'as sorti ton propre label, Jack Cartier, yeah. MTL. Pourquoi partir ton propre label? Ben nous, on avait déjà un label avec FP Crew. OK. Puis ce qui s'est arrivé, c'est que la personne responsable, qui était le CEO, le presidente, you know, lui, il était comme, bon, regarde-moi la musique, j'ai plus le même love. Ouais. You know, je pense qu'il y a du monde qui ont parlé de ça tantôt. You know, il y a du monde qui ont juste ils ont réalisé que, you know, la vie passe vite. Puis des fois, ton art te rapporte pas l'argent comme tu voudrais, mais tu sais, la réalité s'installe des fois. Il y a du monde qui ont fait leur propre move, mais moi, c'était tout le temps dans mes pensées. Ça, j'ai dit, regarde, moi, je vais prendre le label, on va changer de nom et tout pour pas qu'on ait des problèmes dans le futur, si tu sais jamais, comme si ça marche puis si ça blow. Là, quand il y a de l'argent, l'habitude, c'est là le monde se réveille. Là, se réveille, tu comprends? Alors, on a fait ça comme du monde, on a fait des papiers à la bonne façon, puis là, j'ai mon propre label officiel pour tous les underdogs, you know what I'm saying? Je le répète, c'est un label qui est ouvert, je veux dire, c'est une alternative à qu'est-ce que t'es habitué. You know what I mean? On veut juste du produit de qualité. Je dis pas de, si t'es pas sur le label, t'es pas bon ou rien. C'est juste, on essaie d'avoir un standard. On espère que la scène pense un peu comme nous chez Jack Cartier, you know what I mean? Puis officiellement, là, sur le label, t'as qui? Je sais qu'on a la zone, on a sorti la zone en novembre, la compil de Ray Ray. Compil avec plusieurs artistes de Montréal. C'est vraiment plus son bébé à lui. Lui, il m'a apporté ça. Je l'ai licencié. Puis de là, on est parti en collab ensemble pour le produit. Mais à la base, c'est vraiment le produit à Ray Ray, R&R Music. Puis moi, j'ai juste vu que la plupart des artistes qui étaient sur la compil, j'ai déjà travaillé avec. Puis j'étais comme, tu sais quoi, c'était un bon produit. Ouais. Puis on est dans la game pour faire des projets. So, j'ai sorti ça. Puis là, c'est le deuxième officiel, Galactic, Frenchy Blanco. Il y a plusieurs choses qui vont se passer. Ça bouge à chaque jour dans mon équipe. C'est vraiment chaud. C'est le time. C'est rendu que, you know what I mean, c'est notre moment pour faire des statements. So, je suis content de voir plusieurs personnes ici ce soir. You know what I'm saying? C'est du bon real live hip-hop avec mon boy B-Brain. Yeah! So là-dessus, écoute, il y a plusieurs collabos, là, autant on a Webster, ça passe jusqu'à Barneuf-Valsin, si tu te souviens. Yes, sir. Ray Ray, on a... Il y a beaucoup de monde, là. Fais-nous un peu des collabos là-dessus. On est allé chercher Sandy Duperval, s'il y a du monde qui ne savent pas c'est qui, allez checker Sandy Duperval sur MySpace. Gros shout-out Sandy. On est allé chercher Davy. Davy qui sort son projet aussi très bientôt. Un petit peu différent de la tendance hip-hop, mais quand même, vous allez vraiment feel, je suis certain. J'allais chercher quelqu'un de la scène américaine qui, je pensais, avait besoin de se faire ramener de sa mort. So, on a le seul et unique Can I Bust. You know what I mean? So, nice. You know what I mean? Can I Bust des années 98-99, c'était un de mes meilleurs MC. Lyricalement, je trouvais que le gars, il tuait. C'était un des premiers à se faire signer sur Refugee Camp avec Wyclef. Ouais. Un des premiers à faire un feat avec Destiny's Child. Ça, c'est comme, le gars, il était dans le bon timing, c'est juste, malheureusement, avec le label, avec les beats qu'ils ont choisi, ça n'a pas mix and match. Il y a eu le gros disc clash avec LL Cool J, que ça aussi, ça, c'est un icône LL, you know what I mean? Mais à la fin de la journée, you know, c'est comme, fallait que je le ramène, puis fallait, you know, il était tellement content de dire, you know what, man, je vais te blesser avec quelque chose de chaud. Ça, c'est la chanson qui s'appelle Too Ill. Puis sinon, il y a aussi, on voit là-dessus, Force Webster, on a une grosse track qui s'appelle Ma Vision, you know what I mean? C'est pour qu'est-ce qui se passe présentement dans le monde, you know what I mean? Avec toutes les révolutions qui se passent dans le Proche-Orient, so, you know what I mean? C'est le temps d'avoir une vision claire de qu'est-ce que tu veux faire et qu'est-ce que tu veux amener à cette terre, you know what I mean? C'est bon d'en parler, mais il faut vraiment agir, you know what I mean? La pochette est vraiment belle, sous forme un peu de BD. C'est quoi le concept derrière ça? Concept, ça a été inspiré un peu d'un film de science-fiction quand j'étais jeune. Je veux dire, j'écoutais plusieurs films quand j'étais jeune. Puis un film qui m'a marqué, ça s'appelait They Live. C'était un film de John Carpenter. C'était un film avec Roddy Piper. J'étais un gros fan de lutte en plus. So, c'était les deux ensemble. On a le master de la lutte ici, là. Yes, sir. Je suis sûr que mon frère écoute Anzu à la maison, puis... Nous, on est vintage wrestling fans. Bien sûr, mais moi aussi, on est dans la bonne gamme. Puis, c'est comme, ça a été vraiment c'est un point marquant dans ma vie, you know what I mean? Comme le hip-hop. You know, mais comme ça, quand les deux ont, plus avec les films, j'étais un gros amateur de films de Hollywood dans le temps, des années 87 en montant. Puis là, de là, j'ai pris l'idée de là. J'étais comme, you know what? Puis j'ai vu plusieurs signes à la télé et dans la média ici, puis là. Puis j'ai dit, il y a une tendance qui s'en vient. Puis je crois que... Je veux rentrer dans la tendance, puis la tendance c'était vraiment y aller différent des autres. Puis avec la pochette, je voulais vraiment vous montrer un autre aspect. Et Namine, le monde qui... Si vous l'avez pas vu, la pochette, ça vaut la peine. On a même la reine Elisabeth à l'intérieur. No doubt. Gros shout-out, you know what I'm saying, G-Flip Marcotte, you know what I'm saying, qui a fait la pochette pour moi. C'est un gros, c'est la fond production. Les choses bougent, bro. You know what I mean? Pourquoi Galactique? Galactique, ben, premièrement, je m'y dis... Je me sens tellement déconnecté de la scène québécoise que peut-être que soit c'est moi qui est super whack ou soit c'est la scène qui est super whack, you know what I mean? So, je me sentis comme si j'étais un petit peu trop haut, un petit peu trop high, you know what I mean? Un petit peu trop dans une autre galaxie. So, j'ai dit peut-être que je suis trop galactique pour eux. Peut-être qu'ils ne me comprennent pas encore. So, j'ai dit, je vais y aller avec un aspect comme ça. Puis à la fin de la journée, c'est comme... You know what I mean? Il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde maintenant, you know what I mean? Avec la technologie qui bouge à 2 000 000 à l'heure, you know what I mean? So, you know what I mean? Les choses que je parle, je trouve, c'est vraiment le rap Genesis. Et je te parle pas de Genesis, de Bible ou rien comme ça. C'est vraiment mon cheminement dans le rap de A à Z depuis chiné. Ouais. Ça a été une grosse partie de ma vie. Ça fait encore partie de ma vie. So, c'est sûr et certain, il faut que je l'amène dans une autre dimension. So, c'est ça qui est ça. C'est galactique, bébé. Écoute, ici à l'émission, on a déjà joué Ti Jésus, on a joué Hip Hop Live la semaine dernière. Ouais, on irait avec quelle pièce selon toi, à laquelle tu voudrais présenter un petit exclusif? Ouais, on peut-tu choisir une track comme ça? Il s'essaye à chaque CD, ce gars-là. peut-être on met peut-être la track avec Can I Boss, peut-être, parce qu'on a déjà parlé de Can I Boss, you know what I mean? Puis c'est le revamp de Can I Boss. So, peut-être on pourrait mettre Too Ill. Mais c'est comme vous voulez. Sinon, moi, je te dirais que comme je suis down pour supporter la scène locale, j'aimerais bien entendre le tracks avec Webb et No Doubt. Alors, moi, je suis down avec ça d'abord. Il n'y a pas de problème. Let's do it, baby. C'est quoi le nom de la track? Ma Vision. Ma Vision. Yeah, yeah. You know what I'm saying? Ma Vision. CSM 89.3. Be banging the mouth. Mr. Frenchy Bizzle. Webby. For salam alaikum. Ils ne savent plus quoi faire. On ne devrait plus se taire. Ceux qui nous gouvernent se donnent plus la peine de cacher leur haine. Constamment c'est la même rengaine. Les bons tombes, on vit dans l'ombre du côté sombre. Bienvenue en Amérique du Nord, la nouvelle Rome. Zone d'apocalypse, on trouve depuis le temps du Christ. Et les pauvres restent pauvres et les riches restent riches. On est les aveuglés, loin dans la piste. Bande de fascistes, ils veulent notre vie en sacrifice. Des mères pleurent parce qu'ils ont perdu leur fils. Comment le tout peut être contrôlé par un seul édifice? Ça devient plus stressant. mais Dieu va faire en sorte que ça coule de sang. Mes mots sont puissants, assez pour défoncer leur ciment. La paix fait son temps, maintenant c'est rendu violent. Branché sa planète Terre nucléaire, tu peux voir les temps sont gris. Chaque désert, une révélation écrite par un homme dans cette prison. Écoute ce son, fiston, ça fait un oula la la la la la. Ils ne savent plus quoi faire. Oula la la la la la. On ne devrait plus se taire. Ceux qui nous gouvernent se donnent plus la peine de cacher leur haine. Constamment c'est la même rengaine. Après des réflexions, ma position reste contre. Affronte nos grèves et la tension qui monte. Y'a que la vérité qui compte, souvent la confiance estompe. Laisse tomber, on n'a pas le choix de tous rompre. Avec ces fraudes flagrantes, ils veulent juste corrompre. Mais non pas tout pour eux, c'est qu'un mouton contrôle. Le pouvoir, le contrôle, pire que la coque, elle pétrole. En public, ça joue un rôle et ça n'a aucune parole. Libérez-nous de ces politiciens, de cette politique artificielle. Libérez-nous. Oula la la la la la. On ne devrait plus se taire. Ceux qui nous gouvernent se donnent plus la peine de cacher leur haine. Constamment c'est la même rengaine. Je veux pas que je te parle de ma vision avec un hacker en mission. Embuscade officielle, on fait tout bas comme un visant. Gilles, tu sais, Arbor, Jean Charest et Marois. Dis, tu sais, la voix fait engendrer la voix. J'en ai plus dans l'état, fait que je le mets dans le parallèle. La langue fouche de ses diables, je l'ai vu quand il parlait. C'est pas par Black et Black qui prend pas dans la cabale. Fait un bail de me sax pour cracher quelques balles. Rempli dans l'air, et puis l'opening, t'en vas ronger la faille. Dès qu'on voit un opening, et ça c'est garanti, les troupes avance à tarantule. Le gouffre comme Chronos, voici les fils que le parent tue. Reconnais tes fausses, démarrer par Wokorp. Pelade au Québécois, on paraît que par Wokorp. So, tu me dis si t'es dans, réponds-moi, yes or no. Avant de battre les snows, je me pose sur le grass knoll. Oula la la la la la. Ils ne savent plus quoi faire. Oula la la la la la. On ne devrait plus se taire. Ceux qui nous gouvernent se donnent plus la peine de cacher leur haine. Constamment c'est la même rengaine. Épargnez-nous au balai. Ma vision, collaboration spéciale de French Blanco avec Webster et 4SA. Yes, sir. Gros drag. Gros shout out à Forsane, I'm saying. Ouais, Webster, ouais, ouais. Limoilou, all day. Quartierville. Yeah. Sur l'album, au niveau des beats, qui a collaboré avec toi là-dessus? On est dans la grosse production. Je veux dire, ça m'a pris un bon 2 ans, honnêtement. Là, j'ai peut-être passé 200 beats. Je voulais vraiment rester dans la tendance. Toutes les beats qui m'ont vraiment aperçu comme galactique. Dans ma tête à moi, you know, obviously. J'ai DJ Manifest. Ouais. J'ai NBH qui est Donnie Brass Drama, no doubt. J'ai Lord William, grosse production. J'ai qui d'autre? Rough Sound, no doubt. You know what I'm saying? Deux grosses productions. Il m'a fait tellement high. Puis il m'a donné aussi Jack Move, la dernière track de l'album. Je pense que... Il y a Ray Ray aussi. Ouais, Ray Ray aussi, no doubt. Je sais pas, j'en manque une coupe ce soir. Peut-être qu'il y en a, mais je suis trop excité. Là, je suis CSM, il y en a Zing, ghetto Rudy. But you know what I mean? No, grosse production de Ray Ray aussi, no doubt. Thank you. Mais moi, j'avais une question. On dirait que sur tous tes projets solo, t'aimes bien faire le pont avec un artiste américain. Tantôt, on parlait d'Inspector Deck. Il y a eu une collabo aussi avec Killer Priest. Puis cette fois-ci, Cannabis. Toi, est-ce que c'est vraiment important pour toi, genre, d'aller reach et faire comme un melting pot avec l'anglophone et le franco-québécois? Ben oui, puis non, je veux dire, on dirait qu'on a commencé comme une tendance avec Inspector Deck. Puis là, un, c'est relié à l'autre. Je veux dire, c'est Deck qui m'a donné le hook-up avec Priest. Okay. Puis là, Priest m'a donné le hook-up avec Cannabis. Four Horsemen. Exactement. Puis il y a plusieurs choses d'autres qui vont se passer. Peut-être pour un mixtape cet été, on travaille plusieurs petites affaires. Je veux dire, mais c'est toutes des connexions qui se font à l'interne. Je veux dire, quand t'es un bon businessman, tu fais de la bonne business, puis t'es straight, puis le monde, ils sentent pas comme si t'es trop groupé non plus, parce qu'à la fin de la journée, ils me respectent en tant qu'artiste, parce qu'ils comprennent pas ce que je dis. Ouais. T'sais, ils peuvent pas dire, oh, il est fat. Non, ils sont comme, yo, le flow, il flow comme un Américain. C'est ça que, qui les rapproche avec moi, un petit peu plus peut-être que les autres du Québec et Namsen. Mais à la fin de la journée, on a commencé une tendance, c'est la famille, je veux dire, ces gars-là, j'y parle au téléphone à la semaine, you know what I mean? So on va continuer de rep le sound qui est dans la même famille. So en tout cas, il y a plusieurs choses qui s'en viennent, c'est sûr que certains. Dès que il y a du news, CSM 89.3 va le savoir. Pour les scoops. For sure. Sinon, il y a une vidéo sortie à date. Il y a une vidéo à date. On travaille sur le prochain qui est pour Hip Hop Life. En fait, ça a été un petit peu dur parce que c'était supposé d'être le deuxième single. C'est arrivé en même temps que le décès de notre bon ami Bad News Brown. Ouais, ouais. You know what I mean? So ça a été un rest in peace, no doubt, Bad News. We love you, baby. Puis, on était en pourparler avec Henri, puis Michel Jeté, puis tout ça. Puis, moi, la chanson Hip Hop Life est scorée dans le film. OK. So, il est dans le film officiel Bum Rush. Alors, on a essayé de faire un mélange pour faire une vidéo avec John Films pour faire le deuxième single de Frenchy Blanco, le premier single du film Bum Rush. Et les événements sont arrivés. Alors, c'est encore sur pause. C'est sûr et certain qu'on a quand même drop la track. On voulait que tout le monde live. C'est important pour que Hip Hop Life soit sorti. Alors là, on va travailler sur ça. Alors, c'est à venir. Check it, you know what I mean? Hip Hop Life, ça s'en vient. No doubt. Bum Rush, 1er avril. Puis sinon, bon, tu viens tout juste de sortir ton album. Donc, j'imagine qu'on risque de te voir sur une scène bientôt, quelque part. As-tu des shows? For sure. On vient juste de revenir de Québec. On a fait Montréal mardi. Il y a la tournée galactique qui se prépare. Puis c'est dans les pourparlers. S'il y a des promoteurs qui... On va pas dévoiler trop, mais je veux dire, c'est une tournée galactique qui se passe. C'est sûr et certain, ça va être vers peut-être la fin avril. Okay. So soyez zoom in, zoom in, restez connectés, you know what I mean? Mais on va taper toutes les grosses villes du Québec. Montréal, Québec, Sherbrooke, Chicoutimi, même Ottawa, je pense qu'on est en pour parler. C'est sûr et certain que ça va être... Partout, c'est du love, man. Exact. Puis là, en tant que label, Jack Cartier MTL, est-ce qu'il y a d'autres signatures, exception de Riri? Pour le moment, c'est galactique. You know what I mean? C'est galactique, c'est mon bébé. On est sur ce projet-là. C'est sûr et certain qu'on pense tout le temps 3-4 moves en avance. Je veux pas trop mettre, comme ils disent, la charrue avant les bœufs. Ouais, ouais. You know what I mean? So, on va garder ça comme ça, mais galactique. C'est sûr qu'il y a plusieurs projets. J'étais un label que j'ai ouvert, le label, pour les artistes qui étaient tannés de se faire dire non. Puis qu'il y avait des skills, you know what I mean? Puis moi, ça va être moi qui va te dire what's up, you know what I mean? Puis moi, j'ai 20 ans d'expérience dans le game. Alors, si ton projet vaut la peine, envoyez-les à les10jacquartier.gmail. C'est sûr et certain qu'on veut l'entendre. Il y a plusieurs mondes qui déjà ont mijoté, là, you know what I mean? So, il y a plusieurs news qui s'en viennent. D'autres artistes, c'est sûr et certain. C'est de la bombe, bébé. C'est là, le pont. Je parle aux businessmen. Yeah. Justement, quand tu regardes la scène justement au Québec en ce moment, est-ce qu'il y a des artistes que tu trouves vraiment dope en dehors de ton réseau, en dehors de ton cercle galactique? C'est sûr et certain, je vois du potentiel. Je veux dire, sinon, je serais pas encore ici. Je dis la vérité, j'aurais peut-être fait mes valises, man. Mais on a tellement de talent, on a tellement du bon monde, puis à la fin, c'est juste, on n'a pas la machine. Alors moi, je veux juste faire une chose, c'est que je veux amener un standard à la machine. Parce que quand tu vas à New York, quand tu vas aux States, puis il y a beaucoup de jeunes du Québec qui sont jamais allés aux States, aux États-Unis, qui sont jamais allés à New York, à la Mecca du hip-hop. Ouais. You know? So, quand t'es jamais allé voir, c'est où c'est commencé, c'est dur à rentrer dans une culture que tu veux terminer, tu comprends? Alors, moi, je veux juste amener un standard. Quand t'es à New York, t'écoutes la radio, que ça soit Hot 97 ou whatever, il y a un standard. Tu vas pas entendre du bon pis du horrible. Là, c'est ça qui se passe au Québec. C'est que là, t'as du super bon. Les radios communautaires, les radios universitaires, justement, aux États-Unis, là, c'est pas n'importe quoi là qui passe. Il y a un filtre. Non, puis c'est pas pour manquer de respect à certaines autres émissions, mais c'est pas toutes les émissions de radio qui ont un filtre. Exactement, c'est sûr, exactement. C'est à ça que j'arrivais, you know. Puis c'est pour ça que Gâteau et Rudy aussi... Dans des émissions comme ça, parce qu'on sait qu'il y a un filtre. Puis on sait que la personne avant nous autres qui a passé avait un message intelligent à dire, puis avait de la musique de qualité à offrir. La personne avant ou les personnes avant cette personne-là ils ont des skills qui détruisent, you know, les petits jeunes qui chill. Ouais. So, you know, c'est pour ça qu'on est là. Là, les gens à la maison sont tous mélangés. Est-ce que tu pourrais te présenter? Don't doubt. Don't doubt. What up, Rodrigo, le dictateur de Montréal. En fait, t'es quelqu'un que je vois dans les événements depuis X nombre d'années. Word. Tu fais quoi au juste? Je suis dans l'ombre. C'est ça, mais il en faut des gens comme ça. Non, ben regarde, si tu me voyais dans plein d'événements, c'est parce que la plupart du temps, j'étais un des bons promoteurs justement de l'événement. OK. A, B, moi je suis un gars de marketing. Puis j'ai toujours été un très bon, you know, un très bon boy à Frenchie B, you know. Même depuis le temps où ce qui s'appelait Diamante. Ça fait un bout. T'as changé combien de fois de nom? Une petite référence. Deux, trois fois, mais ça fait un bout. Une petite référence à, you know, dans Hip Hop Life là-dessus, you know. So, you know, like le bras droit de Frenchie. Donc, dans mon équipe est solide, you know what I mean? C'est ça que t'as besoin. Puis à la fin, il y a du monde qui comprenne pas ça. You know, tu peux pas être le one-man show. Tu vas peut-être mettre plusieurs chapeaux, mais tu vas botcher une affaire. Puis peut-être que l'affaire que tu botches, c'est ça la différence entre être bon puis être pas bon, tu comprends? C'est tout dans ça. Puis il y a beaucoup de monde qui comprennent que c'est une game, c'est une business. T'as besoin d'un grinder d'un coin pour aller chercher la puck pour passer au passeur qui donne ça au sniper qui score. C'est clair. Puis il y a beaucoup de monde aussi qui apparaissent puis qui disparaissent. Puis comme je disais, toi, Rodrigo, je te vois depuis des années dans les shows. Toi aussi, t'as jamais disparu, toujours une certaine constance. Donc, regarde, c'est le même qu'on voit qui est là pour rester. Le temps nous manque. Je crois qu'on va partir avec la prestation live. Ah, word. C'est le protocole ici à l'émission. Puis nos invités sont toujours dans la place à être pour un nouveau cypher. Nam Saint, Freddy Grew, Cardinal, l'intrus, toute la motherfucking monde. Donc, ce soir, Hip Hop Life en live, man. A word? Is that what let's it go. Is? So let's do it then. Si y a du monde qui a pas vu la vidéo, allez checker sur YouTube, baby, là. You know what I mean? Wow. J'ai tellement peur. Y'a-tu du monde en place sur quoi? J'ai tellement peur. Yeah! Si vous la connaissez, let's go tout le monde à la maison. Moi j'en peux plus. Des fois je prie au petit Jésus, où on te voit plus. Pourquoi tu laisses ton monde dans la rue? Laisse ton monde dans la rue. Ils pleurent pis ils meurent. Ils ont peur comme un film d'horreur. Comme un film d'horreur. Ils vont avoir plein de sang. Si essaie à moi ça bébé. J'attends du temps juste. Check le swag, swaggy. Loin des tacky, 80s Mike Jackie, j'tis pour l'infini. Reste assis pendant que je moonwalk sur ces MC pis ces politiciens qui veulent contrôler nos vies. Sur le micro, sur les mics, mes mots sortent. Ils veulent m'arrêter de parler, mais peu importe. J'kick encore mon slang, mon rap joue le thing. Apparemment la France nous aime pas, so fuck them man. J'rep le Québec pour ouvrir l'intellect, pour abondir à l'horizon, pour avoir notre respect. C'est temps qu'on se lève pis qu'on fesse avant que ça régresse. Puis ça devienne un gros mess. Fuck les popos qui marcellent ma vie avec leurs pantalons camo. On dirait des nazis. J'ai dit oui. T'es juste assis. Come on. CSM ghetto érudit. Moi j'en peux plus. Des fois je prie au petit Jésus, t'es où on te voit plus. Pourquoi tu laisses ton monde en rue? Laisse ton monde en rue. Ils pleurent pis meurent. Ils ont peur comme un film d'horreur. Comme un film d'horreur. Ils vont avoir plein de sang. Yo, j'ai dit malédiction après malédiction. Contradiction après contradiction. Ces temps-ci, je vois des bombes ici, des bombes là, des vrais gangsters. D'Osama jusqu'à Obama. Regarde pas, c'est ton nez, la société cachée. J'étais à la recherche, la vérité, je suis le rap JFK. So, chill, je sais que mes mots peuvent me faire kill. So, avant que ces bâtards viennent me pop comme une pile. Je veux continuer, stache ma pièce en dessous de mon matelas. Parce que nos jours, en tout cas, les banques, moi, j'ai trust pas. Toutes des crosseurs, banksters, voleurs, toutes des rôles majeurs de notre film d'horreur. J'ai dit, j'étais à la recherche de ma prospérité. Pour ça, j'écris ces textes à place de prier. J'ai dit, mais j'en peux plus. J'ai dit, Montréal, j'en peux plus. Mais j'en peux plus. Des fois, je prie au petit Jésus. Petit Jésus, t'es pris ou on te voit plus. Pourquoi tu laisses ton monde en rue? Laisse ton monde en rue. What? What? Il pleure piment. Ouais, on pleure comme un film d'horreur. Comme un film d'horreur. Il va avoir plein de ça. Yeah, que t'es réduit dans le Saint-ISM. 89.3, bébé. Fais du bruit dans la place, s'il vous plaît. Encore une fois, les studios sont pleins. Dash, je crois que c'est l'heure de terminer ça avec... Ouais, vite fait, rapprochez-vous, tous les gars qui étaient là. C'est là que moi, yes, sir. On va faire quoi, peut-être un 16 chaque, puisque bon, il y a une autre émission qui nous suit après, puis faut pas trop bumper sur le show de Heidi. Ce soir, on danse, écoutez ça après. No doubt. Alright, je vous drop un classic beats, Rest in Peace, Jay Dilla, The Red, man, je pense que tout le monde peut pop là-dessus, non? Oh oh. Yeah, Cardinal, Nassin, Freddy Gruesome dans la motherfucking house. What's up? Yeah, you know what I'm saying? C'est Ghetto Érudit. Yeah, you know how we do. Yo, vous êtes pas tout quoi, les gars? Yo, Gruesome, you ready what? Show us? Ready, man.